But now we come to a period that I call the battle for identity. Bonjour, bonsoir, pour la première de cette émission de ce soir, le draft, je suis complètement hurluberlu, interloqué, interlope, je me reprends. Bienvenue à Radio Shtoub, la seule émission qui suit encore le Racing. Le quoi? On est de retour avant les fêtes de Noël, un petit peu en cadeau de Noël, on va vous offrir les trois derniers matchs du Racing, et en bonus peut-être qu'on va faire une utopie sur le match, ou dystopie sur le match du Havre. Et le match de Calais, on s'en bat les couilles, on va dire, on a perdu, c'est Mamadou Bagayoko qui a raté le truc. Je présente rapidement l'équipe restreinte, puisque le banc de Radio Shtoub a des petites difficultés, c'est compliqué. À tort. Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Les pères fouetteurs du Racing. Pères fouetteurs du Racing. Stroutil de retour aussi. Le handstrap du Racing. Et Roulian, qu'est-ce que tu es? Je suis... je ne sais pas. Tu es Roulian. Je suis comme le Racing, je ne sais pas ce que je suis. Oh là, magnifique. Introduction. Et sur Gigus. Ah oui, voilà. Ouais, la mère Noël du Racing. Merci à JP Darky qui n'est pas venu, donc ça nous fera une émission intéressante. Enfin, ouais, on va pas en parler foot. Ah non, mais on n'arrivait plus à s'en séparer. Moi, je pensais faire une émission à Wissembourg pour qu'il vienne pas. Ouais, pas mal, ouais. De Saint-Louis à Wissembourg, le Racing. À Wissembourg, ça ne manquerait pas de sel. Voilà, mission poétique. Trois matchs à traiter, et je vous propose de commencer tout de suite par 3-3 parmi les plus beaux matchs de la saison. Le déplacement au Arena, Assurance Arena, oui. De Nice. Un dimanche en prime time à 20h45. Choix audacieux. Dans un stade vide. Dans un stade complètement vide, comme d'habitude à Nice. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, si, première chose, pas d'attaquant. Pas d'attaquant, oui. Choix. Bon, on reparlera plus en détail des choix de Rosenior. C'est le fil rouge, c'est la Rosenior touch. C'est ça, on tâtonne tactiquement. Et là, il nous a sorti alors une espèce de 4-4-2 sans vrais avant-centres. Parce qu'on avait Moreira qui jouait plus haut parce qu'on avait Caleb Wiley latéral gauche. Il y avait Nanasi le maréchal qui était dans l'axe. On avait Bakwa côté droit. Le maréchal dans l'axe. Nanasi le maréchal dans l'axe. Très belle association. Parfait. Surtout à Nice, en plus, ça plaît ses couleurs locales. Il manque un joueur chinois et italien pour compléter l'axe. Quoi. Un petit hongrois, je sais pas ce que. Ça vu trop souvent la participation de la Hongrie. Oui, c'est vrai, l'amiral Horthy quand même. C'est amiral en Hongrie, toi. Déjà, le concept est énorme, quoi, le mec. Il y a le Danube. Donc ouais, cette ligne de 4 devant et une animation un peu étrange. Mais audacieuse. Oui, forcément. Oui, un genre de dadaïsme, quoi. Ouais. Ça fonctionne au début du match. Alors, premier quart d'heure, d'après ce qu'on m'a dit. Bah ça fonctionne parce qu'on a encore un peu un pressing qui se met en place. La preuve en est, le premier but qu'on marque, c'est une récupération haute de Diarra qui... Oui, on marque. On marque assez rapide, enfin après 20 minutes de jeu. Récupération haute sur notre premier tir. Ouais. Peut-être même le premier tir du match, parce que mon Nice c'était pas non plus... Bah le Nice c'est pas terrible en ce moment, ouais. Et donc le maréchal qui fait une belle passe à Bakwa qui marque. Donc à ce moment-là, on se dit, ça y est, c'est lancé. Moi, j'y croyais pas. Non, mais j'y croyais pas non plus. Mais l'équipe qui sait pas tenir le score. Franchement, c'était très, très, très bien payé. Parce que même en fin de première mi-temps, Nice commence déjà un peu à déferler sur nos buts et ça commence à devenir fort à la mot. Ouais. Le 1-0 à la pause, il est extrêmement bien payé. Bah, d'autant plus qu'on s'effondre en début de deuxième. Où là on se prend des vagues et on se fait rapidement égaliser. Mais on a marqué le deuxième quand même. Oui, ça va. Bah, faut qu'on en fasse une belle parenthèse de ça. Ah, c'est donc Abakar. Ouais. Ouais, qui savait plus où il était, hein. Il a confondu le camp. Alors, on peut dévoiler un peu, je l'ai dit en off, hein, mais moi, ma réaction primaire, ça a été le rire. Vraiment, j'ai trouvé ça drôle. J'ai vraiment trouvé ça très très drôle. Un but à la Ali Bamba. C'était un peu le même genre de chef-d'œuvre. Mais ça arrive. Ça arrive souvent, pour certains. Ça arrive. Il faut le garçon. Il faut l'encourager. Non, mais en fait, ce qui ressort de ce match-là, c'est que on a eu par le passé, je pense notamment à la deuxième saison du Guépéro, là en 2005-2006, où on disait toujours « Ah, putain, c'est dommage, on joue bien, on n'est vraiment pas bien payé et tout, etc. » Là, honnêtement, on a eu plusieurs fois des scénarios de match qui nous étaient hyper favorables, parce que t'as la chance de planter 1-0 à Nice dans leur stade vide un dimanche soir. Putain, derrière, tu mets le bus, on s'en fout, c'est pas beau, c'est dégueulasse, tu pètes une jambe, mais tu repars avec au moins un nul. Et là, en fait, comme on est dans ce principe déglingos de on va faire n'importe quoi pour que nos petits poulains la galopent, se fassent un petit peu la chic et découvrent ce que c'est. En fait, finalement, c'est éducatif, quoi. Ouais, mais on s'est vraiment fait sur le bilan du match, on s'est vraiment fait dominer, parce que je prends la stat des XG pour saluer JP Darki. Nice est à 2,04, sachant que le CSC ne compte pas, hein, donc c'est 2 XG pour un but réellement marqué, et chez nous on est à 0,52. Et c'est essentiellement le but de Bakwa. Donc mais il n'y a pas le but de Silla qui compte? Non, justement, il compte pas. Pour nous. Ah non, il compte pas du tout, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais ça veut dire que Nice avait vraiment des occasions de meilleure qualité. Et nous, on n'en avait quasiment pas. Maintenant que j'y pense, il y a une autre stat qui serait intéressante, mais que j'ai pas vu sortir. Peut-être quelqu'un l'a fait, c'est nombre de matchs professionnels de Dante versus à tout nombre de matchs professionnels cumulés du 11 strasbourgeois. Ouais. Je pense que Dante en a plus. Je pense, ouais. Parce qu'il nous l'a, comme d'habitude, lui c'est un personnage récurrent, il s'est déjà fait expulser une fois contre nous, il y a d'autres fois où il l'aurait mérité. Ouais. Lui, il nous a fait l'amour pendant tout le match aussi. Hein. Alors, je crois qu'il termine avec un jaune quand même. Oui. Mais il a fait la totale, quoi. Gain de temps, les petites fautes à la con. Il n'y avait pas d'attaquant face à lui. Hein, donc il y avait le dispositif sans avançant au début. C'était... Et Sekou Mara est entré à la 64e. Donc il n'a jamais eu d'attaquant face à lui. Et puis surtout, Dante, là, c'est comme quand tu joues face à tes petits cousins dans le jardin. Quoi. Genre, lui, il était. Le mec, il n'avait pas forcé son talent. Quoi. Il les a embrouillés pendant tout le match. Quoi. Effectivement, là, il y avait la stat de l'équipe la plus jeune. C'était là, non, je crois. Oui, c'est ce match-là, oui, c'est ça, en 75 ans. L'équipe la plus jeune, bon, bah, on a gagné un truc cette année, hein, genre. c'est pas mal. Mais oui, face à Dante, c'est un peu l'antithèse de ce qu'on met en place au Racing, c'est-à-dire le vieux roublard qui gagne des matchs, qui gagne des points. Mais qui gagne des sous aussi. Ouais, voilà. Mais. Il y a deux. Alors, moi j'ai lu qu'il y avait des goûts sur le Shtoub, hein, peut-être, ou je sais plus, dans les DNA sûrement, qu'il y avait deux événements qui avaient quand même précipité le Racing du mauvais côté de la falaise, je sais plus comment ça s'appelle, à Nice, l'espèce de. La corniche. Voilà, la corniche, oui, tout corniche. À fait. Là où il y a l'aéroport, là. Et c'est d'abord la blessure de Doucouré. Oui, ah, assez merde. Rapidement. Ouais. Le Douc. Ouais, comme on dit, ouais, c'est ça. Il faut pas pisser sur son tapis. donc voilà, le joueur, effectivement, le joueur, un des joueurs majeurs du Racing 24-25, puisque déjà un des joueurs avec le plus de matchs, hein, même si c'est sa deuxième saison de pro. Bah, il est 2003, c'est un des plus vieux. Voilà, c'est un des plus vieux, un qui joue le plus régulièrement, un mec qui a manifesté aussi son amour du club et son attachement au club, qui voulait se barrer cet été. Mais il faut lui laisser d'avoir changé son fusil d'épaule et d'être dit je suis là, je joue à fond. Alors, on peut pas lui reprocher ça. Sachant qu'il est payé. Hein. Donc il fait son boulot. Oui, mais bon, il aurait pu bouder comme un sale gosse, comme ça a déjà été vu. Il s'est dit, bon, faire contre mauvaise fortune mon cœur, je suis là, je vais essayer de le montrer. Donc voilà, il fait le taf, c'est vrai que c'est un des joueurs majeurs, bon, ça bien sûr, ça aide pas le Racing, ouais. C'est sûr. Surtout qu'il est remplacé par Junior Mwanga, qui est vraiment l'ombre du joueur qu'il a été l'an dernier. Ouais, il était bon, hein. L'an dernier, il y a eu un bon passage de Mwanga, ouais. Ouais, à un moment, il était meilleur que Bakwa pendant quelques matchs. Non, pour le coup, pendant 2 mois, je pense qu'il était vraiment... Mais quand il jouait défenseur central. Non, au milieu. Non, non, au milieu, je me souviens d'une très belle période au milieu. Ah, okay. Alors, peut-être pas deux mois, mais. Une très belle période l'an dernier. Match. 3 minutes, tu veux dire. Non, non, mais... Il est nul maintenant, voilà, ouais. On est tous d'accord. Et il y a la blessure de Caleb Wiley. À la mi-temps, ouais. Parce que moi, j'avais à peine eu le temps de demander qui c'était. C'est pas de bol, hein. Pour Caleb Wiley, on peut dire que lui, il est perdu pour le football, pour le racing. Bah, il est rentré à Chelsea, hein, pour se faire soigner. Ouais, ouais. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Bah, il fait une quoi. Ou alors Angelo Gabriel. Ouais. Parce que Saï, pour le coup, il n'est pas envoyé de Chelsea pour se faire soigner, parce que c'est pas une pépite là-bas. Ouais. Donc voilà, deux blessures, ça n'aide pas le Racing, mais effectivement, derrière, on va dire, personne n'a dit que, genre, on s'est fait voler, qu'on aurait dû. Enfin, voilà, si tu te dis, c'est score logique, on a eu la chance d'ouvrir le score, on n'a pas réussi à enchaîner, on perd à 10, c'est pas honteux. C'est pas génial non plus, ouais. Parce qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs depuis longtemps et qu'on va à Brest la semaine d'après, mais bon, c'est pas catastrophique. Ouais. Ouais, vous en doutez bien, j'ai pas intervenu parce que j'ai t'as pas vu le match. Pas vu le match. Ouais. Bah, moi j'ai vu le match dans le QG du Racing, monsieur. Oh. Ah ouais. Voilà, avec plein de gens qui, comme à la Méno, se sont barrés vers la 87 parce que ça les faisait chier. Au PMU, tu veux dire ou non, je ne citerai pas l'établissement. L'établissement, mais c'est un QG du Racing, et effectivement, il y a plein de gens avec le maillot du Racing. Et pareil, ils se sont aussi barrés à la 80e. Et franchement, à la 80e, tu te disais, qu'est-ce que je fais ? En râlant parce qu'il n'y avait pas d'ambiance. En râlant parce que le Racing était nul. Il y a Jean-Luc Filzer qui était là ou pas ? Non, il aurait pu. Il y avait du picon. Et donc, deux déplacements d'affilée, c'est jamais facile. Deux matchs à l'équipe, c'est pas facile. Deux matchs à l'extérieur, c'est pas facile. Les matchs, c'est pas facile, hein, c'est ça. On va à Brest. Brest qui joue la Coupe d'Europe, qui brille en Coupe d'Europe. Qui brille en Coupe d'Europe, qui fait le parcours qu'on aurait tous rêvé faire un jour. Mais avec trois anciens du Racing. Dont un qui marque contre nous. Oui, bien sûr. Donc Ludovic. Non. Donc Kenny Lala sur pénalty. Sur pénalty. Le pénalty provoqué par Guéla Doué d'une main un peu bizarre. Un volleyball, non ? Oui, enfin, il essaie de faire une espèce de sombrero, enfin, je sais pas trop ce qu'il essaie de faire, et il s'emmène le ballon de la main. Pourquoi pas ? Alors que c'est un joueur expérimenté, hein, il est de 2002. Bah, non, mais à notre échelle. C'est un vieux. Donc, score 3-1. Oui. Plusieurs pénalties, puisque. Ajorc a loupé. Ajorc rate un penalty, tout à fait, oui. Je suis pas sûr qu'il le rate, je pense que c'est Petrovic qui arrête. Alors, un penalty arrêté, c'est un penalty raté. Ce que disent beaucoup. Mais oui, après on est mené 2-0. On a le but de l'enfant de Nidar Scheffelsheim, Abdul Ouattara. Pour le deuxième but, il arrive dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, ça fait toujours plaisir. C'est ça, oui, juste avant la mi-temps. Classique Racing, hein. Après, il y a le pénalty qui est effectivement juste après la mi-temps. On aurait pu nous mettre la tête dans le sac et finalement, il n'est pas marqué. Et on fait une deuxième période qui est un peu moins pire. Et effectivement, on égalise... on revient au score à la 80e ou un truc comme ça. Oui, c'est dans ces eaux-là. On en prend un dans les arrêts de jeu de nouveau. Sachant qu'on avait égalisé à la 88e, mais que c'était le mec qui était hors jeu de 1m50. Perea, ouais. Perea qui était arrivé, on sait pas comment. Première apparition, il avait marqué. C'était quand même improbable, mais hors jeu. Après, la deuxième mi-temps était un peu plus. C'est vrai qu'on est un tout petit peu plus dangereux, c'était pas la folie non plus. C'était juste que Brest était Kramos de son match de Ligue des Champions. C'est ça. Il y a ça, et aussi il y a eu un changement à la mi-temps, on a changé d'attaquant de pointe. Oui. Donc Sekoumara est sorti, ouais. Et. Tu parlais d'attaquant de pointe. Ah, pardon, oui. Oh, c'est Barabachig. Barabachig. Ah, mais je sais que Roulian Lenguer. Donc Et surtout, on a fait rentrer une autre pépite qui vient de dessus. Jérémy Sebas ? Ah, bah non, pas du tout. Mon Dieu, alors c'est qui est rentré ? Quelqu'un qui vient du centre de formation, tu es en train de me dire ? Bah oui. C'est totalement. Le truc qu'on avait déjà avant, de changer de dimension. Tout à fait. Et celui qui marque, bah, c'est un gamin formé au Racing, qui a le même âge que Lukovic ou que Perea, qui ne joue pas. Oui, mais c'est pas pareil, parce qu'eux, ils sont chers. Oui. Exactement. Alors que Ouattara, on a juste donné. 3-4 quarts et du jus d'orange au club de Nidar Scheffelsheim pour récupérer. Et des chasubles. Et des tickets resto. Oui. Périmé. Ça, même. C'était le VAR Keller de l'époque. Ça, c'était. Vous donniez jamais rien. C'était François Keller. Il est pas mal arrivé dans le but de Ouattara. Ouais. Un petit 1-2 là dans la surface et tout ça, c'est. Non, c'est chouette. Donc après, on se dit, défaite à Brest, bon, c'est pas honteux. Même si c'est, bah, c'est... Il joue la Coupe d'Europe. C'est un club de Ligue des Champions. Ouais, après, sur, au coup d'envoi, il y a aussi, on parlait de schéma tactique tout à l'heure, à Nice, avec pas d'attaquant. Bon. Bah, on met Marin entre parenthèses, mais il a, sur sa fiche de paye, il y a écrit attaquant de pointe comme profession. Mais on est rebasculé en 4-5-1. Ouais, j'ai pas vu, mais. C'est pas sûr. Sa fiche de poste, en tout cas, c'est attaquant. Mais... Vous avez la fiche de poste de... pour ces entretiens annuels. Non, mais là, du coup, on est repassé en 4, en 4-5-1, enfin 4-2-3-1 au coup d'envoi. Donc, on a encore changé de dispositif tactique. Avec, je crois que Moreira était en. Moreira était latéral gauche dans une défense à 4. Tu es en train de me dire que le coach se cherche ? C'est ça que tu es en train de faire passer comme message ? On aurait pu en parler tout à l'heure, mais l'idée, oui, c'est après avoir eu des certitudes sur les premiers matchs avec presque un dogmatisme sur son schéma tactique, bah, il cherche un nouveau souffle. Il n'y a pas que lui qui le cherche, hein, j'ai l'impression. Oui. Oui, bon, après, Bayrou, ça se tente, quoi. On salue Rachmaninov d'ailleurs, une photo mythique sur le Stoub. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est Rachmaninov qui a lancé la carrière de Bayrou. Hein. C'est lui qui s'est fait gifler à la méno. Il fait les poches. Bah, j'ai une question qui pourrait coller. Captain Flirt de Strasbourg. Oui. Encore un grand politologue. Ah, tout à fait. Ouais. Bon, plus gauchiste, quoi. Bayrou, c'est à gauche, non, ça. Mais Flirt, ouais, non, c'est pas lui qui était pote avec Véter, non, si, je crois. Si, si, ils étaient à la fac ensemble. Ouais, voilà. Bon, ouais, qui n'était pas à la fac avec Véter, hein, bon, voilà. Captain Flirt qui nous dit: le Racing est-il un plafond de verre pour Marco, Blouko, Rosenior et ses pépites? Bon, il y avait Rosenior dedans. Est-ce que l'IAM, je veux dire Marco Rosenior, c'était Marco Rosen. Fender. Il joue avec nous, hein, enfin, en équipe 2. Bah, il est vieux maintenant. On fait des parflambés avec Eric. C'est joué à Agno. D'ailleurs, bientôt Agno Boulogne en Coupe de France. Bah, il convainc. Voilà. Est-ce que la Rosenior est en train de prendre fin? Est-ce qu'on la garde un petit peu pour après? Est-ce qu'on parle du bah, du plafond après, hein. Ouais. Est-ce qu'on parle du plus beau match ou... Bon, ça c'était juste pour faire une question littéraire. Hein. C'est fait. Non, mais c'est sûr qu'en fait, aussi bien Nice que Brest, tu dis ok, enchaînement de deux matchs à l'extérieur, mais. Chez deux équipes européennes. Après. Mais c'est le contenu, quoi. C'est le contenu. Oui, c'est le contenu qui reste sur la fin, quoi. Et puis jouer une équipe européenne comme Brest qui. Parce que fondamentalement, à Nice, t'as quoi? T'as 15 minutes qui sont potables en début de match. À Brest, t'as quoi? T'as 30 minutes de la seconde période, à peu près, ou. À Brest, où c'est pas dégueulasse. T'as sur 90 minutes, t'en as 40, quoi. Ouais. Bah, ça, les 180 minutes, putain, ça fait même pas un quart du temps. Et les trois quarts du temps, tu te fais chier dessus par une équipe qui est. À Nice, c'est des demi-mongoliens. Et à Brest, ils jouent des matchs, ils sont complètement cramés, quoi. C'est une citation de Nicolas, hein, bah, on rappelle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, ces histoires d'équipes européennes... Alors, il y a deux choses. D'une part, des équipes européennes qui se foirent complètement en championnat. En France, on en a vu... un paquet. On en était une. Enfin, je pense que beaucoup d'équipes moyennes qui se sont qualifiées pour la Coupe d'Europe et qui n'ont pas été capables de gérer les deux ont vécu ça. Et deuxième chose, c'est presque la meilleure posture. T'es là-bas à l'extérieur, t'es censé avoir un coach qui prône la rupture, le pressing. Tu t'en profites, tu joues à fond là-dessus. Et sans vouloir donner le coup de pied de l'âne, c'était exactement le contexte avec Loret. Où on réussissait vachement bien, parce que des équipes comme ça, on en a tapé aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, sur l'engagement, sur la contre-attaque. Alors certes, c'était peut-être un peu moins paillette, hein. C'était pas flamboyant. Mais à Nice, on a déjà gagné des 2 ou 3-0 là, avec des buts de Nuno da Costa. Avec Ajorc aussi. Ouais, voilà, avec, ouais, c'est ça. Donc en fait, on sait faire. Hein. On savait faire, ouais. Donc plafond, sans doute. On peut quand même synthétiser en disant on joue pas bien. Bon, fondamentalement, on parle d'un jeu, le football. On n'a pas d'occasion. Fait, on joue pas bien. Bon, on joue bien. On a 0-9 XG à Brest. On n'arrive pas à marquer de but et les autres équipes, dès qu'elles attaquent un peu, elles nous marquent un but. C'est globalement, on joue pas bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est marrant parce que il y a ce côté genre la première impression, il y a eu un effet de surprise où on a eu. l'image de quelque chose qui était un peu en rupture et c'était un peu inhabituel, du coup ça a séduit. Mais ouais, dès que tu te retrouves sur des terrains un peu plus lourds, face à des équipes qui ont compris la démarche, le truc est vite éventé, quoi. Donc, Non, je suis pas d'accord. Vas-y, Non, je suis pas d'accord, il y a le match de Reims. Oui. Alors là, du coup, on se dit, bon, ok, on a fait deux déplacements de suite chez des équipes européennes. Là, on va rencontrer Reims, une équipe qui est plus dans notre championnat à nous, c'est-à-dire le championnat un peu des losers. Du Grand Est. En plus. Non, Reims joue le milieu de tableau. Non, c'est les losers. Si t'es pas en Coupe d'Europe, t'es un loser. C'est tout, quoi. Il y a la coupe. C'est l'Europe ou la mort, de toute façon. Exactement. C'est la Coupe d'Europe ou la relégation. Il n'y a pas de demi-mesure. Ouais. Même si Reims, c'est quand même les champions du milieu de classement depuis quelques années. Et on rencontre. Et là, on se dit, bon, bah là, à ce moment-là, à un moment donné, la valeur réelle de l'équipe va nous être révélée dans ce match. Et nouveau... qu'est-ce qui vous arrive, il y a quoi que... Déjà, il y a le retour des Bulgares. Ouais, nouveau changement tactique. Évidemment. De nouveau un 4-4-2, mais cette fois non plus sans attaquant, avec deux attaquants. Enfin, avec un attaquant et Sekoumar. Le tire-bouchon. Ouais. Tiens, chef. Bah, c'est important pour la suite du débat. Tout à fait, Avec un Emega qui revient de combien de semaines de blessure? Quelques semaines, quand même. Il était blessé au parc. Blessé au parc, mi-octobre. Un gros mois, vers le 20. 6 semaines. Ouais. 7 semaines d'absence. Donc, fatalement, il arrive sur le terrain avec un strap de compète. Hein. Le soir de la blessure d'Emega, j'ai vu Véter. De là à faire un lien avec Flirt et un complot contre le Racing, tu vois, c'est mené par des mélanchonistes. C'est-à-dire qu'Emega a quelque chose à voir avec le Tram Nord. Ah ouais, ou alors tu sais, avec les nihilistes là dans le Big Lebowski, quoi. C'est donc on est dans les Ducs, quoi. On revient couper ZZ. Et donc, le 4-4-2, on s'attendait à quelque chose d'assez offensif avec un attaquant et Sekou Mara. Et Morira qui était en plus de nouveau aligné à la latérale gauche dans une défense à 4, puisque Caleb Wiley n'est pas là, que Edouard Sobol il est abonné au banc et que Thomas Delaine n'existe plus. Donc on a. Il paraît qu'il est revenu Thomas Delaine à l'entraînement. Oui, mais il joue plus. Enfin, il s'entraîne. Il est plus blessé. Pas comme Sobol. Oui, mais Sobol au moins il est sur le banc. Ah, il y a pas mal de monde qui est pas. Oui, mais Sobol, sinon il doit faire l'armée en fait. C'est pour ça, c'est pour lui éviter de repartir faire l'armée dans son pays. Donc, en fait, sur le côté gauche, il y a quatre niveaux quoi. Il y a Morera qui est le titulaire. Il y a Wiley qui est blessé. Quand il n'est pas blessé et éventuellement sur le banc de touche. On a Sobol, il est sur le banc de touche pour éviter d'aller sur le front russe. Et en fait, on a Thomas Delaine qui est évité pour éviter d'aller sur le front lorrain. C'est ça. Mais donc Morera, normalement, qui jouait côté gauche, mais dans le cadre du fameux 3-4-3 de début de saison, où il a arpenté tout le côté gauche en étant couvert derrière. Là, maintenant, on est repassé une défense à 4, donc Morera doit un peu plus défendre. Et sauf qu'il ne sait pas défendre. C'est pas son rôle. Oui, mais on l'a vu, par exemple, en première mi-temps, Yunya Ito, le japonais de Reims... Enfin, il s'est régalé. Celui qui était peroxydé, là. Ouais. Il s'est régalé. Il n'en a pas fait grand-chose. Il n'a pas vraiment concrétisé. Mais par contre, il avait des espaces. C'était impressionnant. Il faisait ce qu'il voulait. Parce que Morera, c'est pas défendre. Alors après, il peut compenser avec sa vitesse. J'ai envie de te dire, il me fait penser un peu à quelqu'un sur son côté gauche. Quelqu'un qui fait l'essuie-glace, qui a un bon pied gauche, mais qui ne savait pas défendre. Fabrice Serrette. Oh. Il était peroxydé aussi à un moment. Il était super, mais quand on le mettait à un moment donné, qu'il était milieu ou ailier gauche, ça allait bien. Mais quand à un moment donné, on lui a dit écoute, il y a un nouveau poste, ça s'appelle piston, il faut que tu fasses tout le côté gauche. Ouais. Il a dit ok, il y allait. Derrière, il y avait. Et après, il s'est reconverti de DJ. Ouais. Voilà. Après, derrière, il est entraîneur adjoint à Mulhouse maintenant. Là, ce que je suis en train de dire, c'est pas contre Moera, qui pour le coup est une des rares pépites. Qui à peu près livre la marchandise quand même, même dans les matchs de merde, lui fait une prestation qui est quand même somme toute de bon niveau généralement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été reconverti de latéral gauche, mais effectivement en piston, donc avec quelqu'un donc, qui couvrait derrière lui. Mais là, dans une défense à 4, bah, t'as deux défenseurs centraux, en l'occurrence c'était Doucouré qui était axe gauche. Mais qui du coup doit courir toute la largeur. En définition, lui devrait faire plus gaffe dans son dos parce que dans un rôle à 3, il y a quand même le central gauche qui peut venir compenser. C'est ça. Mais ça, c'est les mecs qui ont été pistonnés. Ouais. Par le grand frère, par le patron, tu vois. Bah non, parce qu'on l'a payé, Morera. Ouais. C'était un transfert de fonds de la poche gauche à la poche droite. 12 millions d'euros, qu'est-ce que c'est ? 9. Qu'est-ce que t'as à ce prix-là ? Franchement, t'as quoi ? T'as rien. Ouais, c'est vrai. T'as plus rien. J'ai le droit à un appartement dans Bretagne. Ah, c'est sûr que les appartements en Bretagne, ça a beaucoup augmenté. Hein. Mais alors cette défense centrale, Douk Sarr, parce que ça n'a pas besoin de... qui, apparemment, Boudéda se régale. Genre, donc je cite Edela. Aucun but encaissé. Aucun but encaissé par cette défense après le match contre France. Pas que l'Eden. Liam Rosenior nous a expliqué que le fait de ne pas avoir encaissé, que c'était génial. Et, alors c'est même plus la méthode Coué. Hein. C'est un niveau au-dessus de la méthode Coué. C'est le moindre signe positif. Et, c'est génial. Il y avait de l'électricité dans le stade, de l'eau chaude, dans les douches. Franchement, on est bien accueillis. Après, Sarr fait quand même une bonne saison. Enfin, sur les matchs qu'il fait, je trouve plutôt bon. Pour un gamin. Pour un gamin, oui, bien sûr. Non, mais en fait, tout ce qui lui manque, justement, c'est cette expérience. Franchement, qu'il met un Sarr à côté d'un Dante, si on peut parler de Nice. Tu le valorises plus, en plus. Totalement. Et le gamin, il apprend le métier. Ouais. Parce qu'il y a des postes qui sont plus difficiles que d'autres, et défenseur central. Moi, je pense, par exemple, je sais pas, un Varane à Lens qui démarre, il avait quoi, genre 17 ans, ouais. Un truc comme ça. Mais il était encadré par des vieux de la vieille qui étaient à côté de lui, qui lui apprennent le métier. Et quand il débarque au Real à 18 ans, bah t'as Sergio Ramos à côté. Hein. Ça va. Un mec qui comprend un peu le fils de pute. Ben non. c'est ce qu'on aime. Bah, je sais. Bon, le fils de pute dans cette équipe, on va le dire. Il y en a pas beaucoup. Il y en a assez au club. Ils vont les remettre sur le terrain. Ouais, alors je suis pas sûr que ceux des bureaux sur le terrain, ça donnerait grand chose. Ah, c'est des bons, C'est pas gentil pour leur maman, tout ça, quoi. Donc, le match, donc 0-0, bon, on va dire le match était chiant. Là, pour le coup, on peut juger le contenu du match. Mais un élément aussi, je suis un peu plus concentré sur ce match pour éviter de me fader les deux autres. C'est un constat qui s'applique aussi sur les matchs précédents, c'est qu'on presse plus autant non plus qu'avant. Non, mais en fait, on le fait de façon désordonnée. Oui, c'est ce que je m'étais noté. Ouais. Diarra, il va de temps en temps, mais ça suit pas. Voilà, parce qu'en fait, il y a un pressing. Franchement, c'est facile hein, de se mettre sur le bord de la touche ou en tribune et de dire yo, mais faut presser. Mais en fait, un pressing, dans tout sport collectif, c'est une des choses qui est les plus difficiles à organiser. Hein. Même en basket, à 5 contre 5 sur un terrain plus petit, faire un très bon pressing, c'est difficile, c'est extrêmement énergivore et ça demande une coordination vraiment forte. Et c'est là où en fait on en arrive à une des contradictions majeures de ce projet, parmi d'autres, il y en a beaucoup, c'est qu'en fait on demande un système qui est extrêmement exigeant sur le plan tactique, sur le plan physique, sur le plan de la coordination, et qui demande en fait une certaine bouteille, une certaine expérience, ou à minima 2-3 gars au milieu de tout ça qui sont capables de donner le tempo. Normalement, dans un pressing, il y a un ou deux joueurs qui sont un peu responsables de... Qui déclenchent. D'orchestrer le truc, tu vois. Il y a des leaders de défense. Encore une fois, c'est ce que je dis, ça existe aussi dans d'autres clubs collectifs. Hein. En basket, tu peux avoir le mec qui joue meneur de jeu, c'est lui qui décide de déclencher ou pas. Et c'est complètement contradictoire avec ce jeunisme qui vient de la stratégie de spéculation financière. Parce qu'en fait, en vrai... Soit tu décides de faire une stratégie super jeune, mais à ce moment-là, tu la joues sécure, tu fous ça dans un 4-3-3 bien classique des familles avec une défense de zone. Parce qu'il y a aussi ça, il y a le marquage individuel. Oui. Le marquage individuel vient compliquer encore la donne. Le marquage individuel, c'est-à-dire que tu mets beaucoup de responsabilités sur chaque mec en défense, et dès qu'un mec se trouve, ça devient très compliqué. Quoi. C'est ça. Donc... En fait, en vrai, si tu voulais faire une stratégie vraiment, t'assumes le fait d'avoir un effectif très très jeune qui est en construction, bah tu les mets dans un système qui est un minimum sécurisant pour eux. Inversement, si tu décides de faire un système tactique dont tu sais qu'il est fondé sur le déséquilibre, qui nécessite quand même un peu de la jugeote, bah tu vas plutôt construire un effectif avec au moins 3-4 vieux briscards. Mais du coup, là, avoir les deux, c'est un peu tenter d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce qui... Si on veut avoir des résultats, peut paraître complètement con. Si on ne cherche pas à avoir des résultats, mais plutôt à faire un truc un peu darwinien pour voir lequel arrive à survivre au milieu de tout ça et serait potentiellement vraiment très très fort et sur lequel on pourrait faire une plus-value qui payerait tous les autres, s'entend déjà plus. Mais c'est Koh-Lanta. Non, c'est Battle Royale. C'est vrai que si tu cherches cette valorisation individuelle des joueurs, ouais, effectivement, c'est ce qu'ils cherchaient. C'est le principe de leur spéculation. Effectivement, tu les mets plutôt dans un cadre... déstabilisant. Non, il faut les mettre dans un cadre très rigide, très, très simple tactiquement. Le 4-3-3 classique, marquage de zone... Et là, tu peux mettre en valeur le niveau de individualité, un peu ce que faisait le Racing. Le Racing l'aurait, on mettait en lumière certaines individualités comme ça. Mais là, comme tu dis, si tu les mets à chaque fois face à leur responsabilité directe, s'ils font une erreur, c'est but. Typiquement, Abakar Sylla, ça peut pas marcher. Après, si on veut être honnête, sur ce match-là, ok, on n'a pas vraiment mis en danger le gardien de Reims. Petrovic, c'est un peu pareil. Ouais, il sort deux très beaux arrêts quand même. Ouais, il sort deux arrêts, mais je veux dire. Il y a deux arrêts quand même là sur sa ligne. Je dis pas que le match nul pour moi paraît mérité, mais je veux dire, c'était pas. Voilà. On n'a pas été à la rue comme sur les autres matchs, sûrement parce que la valeur de l'équipe de Reims était largement en dessous de Brest et de Nice, quoi. Clairement. Voilà. C'est pour ça. On aurait joué contre une équipe de nouveau comme Nice ou Brest, un troisième match de suite. Monaco. On aurait repris une défaite dans. Oui. Sans se poser de questions. On aurait gagné. Mais parce qu'offensivement, oui, effectivement, on n'est pas dangereux. Enfin, je reste sur les XG. On avait 1,09 XG sur ce match-là, et c'est beaucoup la barre touchée par Sebas. Alors voilà, on a la barre de Sebas. On a quoi en première période? On a la transversale de Nanasi sur Bakwa. Il arrive et il toque complètement sa balle et il la met en dehors du cadre. Dommage parce que c'était magnifique. Ah ok, c'est pas son bon pied, mais ok, il a fait une course de 50 mètres, d'accord et tout, mais c'est quand même un peu dommage. Et après, on a peut-être celle de Moreira en début de deuxième, quand il revient sur son pied droit. Alors, c'est pas son. Ouais, c'est pas une grosse occasion vraiment, mais oui. Bah, il s'ouvre le chemin du but. Voilà. Et je pense que. Si, la frappe de Diarra, hein. Un genre de corner mis en retrait, il l'envoie. Franchement, elle était assez dangereuse. Ouais. Mais ça te fait 4 occasions dans le match en 90 minutes, c'est quand même pas incroyable, quoi. Ouais, et puis, enfin, tu sentais pas cette. Enfin, en fin de match, normalement. À domicile. T'as cette grinta, cette furia qui fait que même si on fait un peu n'importe quoi, on met quand même une grosse pression sur l'équipe adverse, du moins on le faisait dans le temps. Et là, c'était un peu. Enfin, dès 10 ou 15 minutes avant la fin du match, tu savais qu'on s'orientait vers un 0-0 des familles. Parce que Reims. C'est à cause de la grève des 15 dernières minutes. Exactement. Non, mais parce que Reims, finalement, un point à l'extérieur, bon, allez hop, bon résultat. Et le Racing, envie de se rassurer, Rosenior qui veut surtout pas être dans la sinistrose d'une quatrième défaite de suite, donc qui en arrive à renacler sur des principes extrêmes que lui-même et lui-même seul avait énoncé. Donc là-dessus, il y a quand même aussi très très loin de la coupe aux lèvres, fait que on a une fin de match qui est chiante, quoi. Alors que normalement 0-0, c'est le moment où on essaye un peu d'emballer le match, où le stade chauffe. Là, on a eu tout l'inverse, quoi. Tout le monde qui commence à regarder sa montre. Ouais, quand même. Ouais, bah justement, je vais y venir à la table. Parce que, en fin de match, normalement, tu peux compter sur l'apport des remplaçants, mais là, c'est pas vraiment le cas. On a fait deux changements, et c'est toujours ceux qui étaient rentrés les matchs précédents, Sebas et Ouattara. Entrés, pardon, oui. Parce qu'ils sont pas. Ils n'étaient pas déjà sur place. Oui, ils sont entrés en jeu, tout à fait. Mais on n'a pas d'autre solution. Malgré 3 mercato, 120 millions dépensés, offensivement, on se retrouve avec deux joueurs du centre de formation qui étaient déjà là. Mais alors, Rosenior, il a assumé le fait de ne pas faire beaucoup de choses. Il l'a dit, j'ai pas senti le besoin. Oui, parce qu'il n'y a personne d'autre sur le banc. Sinon, ça, c'est une autre façon de le dire. Sinon, c'est Oscar Perea qui a un peu joué avec la réserve et qui n'a pas fait de bon match avec la réserve. Qui a coûté 5 millions d'euros. Alors on a le droit de se marrer quand même à la Méno, pourquoi lui, il a le droit de jouer lui. Mais t'imagines qu'on a des mecs qui a 5 millions qui jouent à la réserve qui est dernière. Oui. Mais il a dit, il a pas dit je n'ai pas fait de changement parce que je pensais que j'avais pas pu les apporter, il a dit je n'ai pas senti le besoin. Mais parce que oui, c'est dramatique, mais il n'y a personne sur le banc. C'est offensivement, t'as pas de solution. Il a lancé les deux attaquants qu'il avait. Les deux attaquants entre guillemets un peu expérimentés. Bah, Lukovic n'était pas sur le banc. Lukovic n'était pas sur le banc par exemple. Mais Lukovic il a le même âge que Ouattara, hein. C'est en 2005. Ok, mais. Sauf que Ouattara coûtait moins cher. 30 points, quoi. Oui. Bah il n'est pas sur le banc en tout cas. Il n'est pas prêt. Il n'est peut-être pas prêt, oui. Après, au-delà des. Enfin, tu peux rajouter tous les. Après, dans 2-3 ans, quoi. Tu peux rajouter tous les attaquants de pointe que tu veux sur ce match-là. Il n'y avait pas spécialement de ballon à exploiter non plus. Hein. C'est là où quelque part. Par exemple, effectivement, Mbéga, est-ce qu'il a touché une balle? Est-ce qu'il a eu une occasion? On peut dire une occasion habituelle à la Mbéga, c'est-à-dire ah le con, il a raté. Bah non. En fait, on peut même pas lui reprocher ça parce qu'il n'a pas eu d'occasion. C'est ça. Mais aussi, on était en sous-nombre au milieu de terrain, donc pour la création. Enfin, on avait Diarra et Santos au milieu de terrain face à trois Rémois. Ouais, mais alors, Santos, parlons-en. Mais Santos est invisible, oui, c'est ça. Ça fait 2-3 matchs là que le type a complètement disparu de la circulation, quoi. Ouais. Depuis qu'on perd. C'est un joueur d'été. C'est... Ah, mais les Brésiliens, on connaît ça. Hein. C'est... Alors, c'est peut-être plus le baromètre, on va dire, si Santos Nanasi fonctionne pas bien à Strasbourg, faut pas t'attendre à un gros match de football. Si Santos Nanasi. On va dire que Nanasi était un peu meilleur. Il était mieux. Il a quand même fait quelques petites choses. Alors qu'il y a des mecs, des matchs à Brest, voire à Nice. À Nice, il était sur le terrain ou il n'était pas sur le terrain, c'était exactement pareil. Ouais, mais là, on touche aussi un truc. C'est-à-dire que Nanasi, à la limite, on peut encore dire ok, il a fait un championnat en année civile en Suède, donc le type arrive. Enfin, en fait, il arrive en fin de saison. Oui. Pour lui. Donc c'est logique qu'il est. Qu'il est un peu tout qui siffle là, et en fait, en vrai, il faudrait lui lâcher 3-4 matchs là pour qu'il puisse se rebecter et qu'il revienne un peu mieux au printemps. Il joue tout le match. Oui. Ouais. Oui. Donc on n'est pas du tout. Numéro 10. On n'est pas du tout dans le. C'est peut-être mieux pour lui d'ailleurs. En revanche, Santos, qui effectivement a pu de temps en temps faire des assez bons matchs chez nous et qui surtout est assez fort pour avoir des belles stats. On voit bien pourquoi finalement il a pas percé ni à Chelsea ni c'était quoi le club Nottingham. Bah, mec très irrégulier en fait quoi. Ce type là qui est censé être un de ceux effectivement qui sont les dépositaires sur un match comme ça, c'est le genre de match où tu l'attends. C'est le joueur totalement bipolaire ou alors sur le courant d'analyse, c'est-à-dire dans le sens où il peut te faire. Quand il est vraiment sur un bon jour, il a clairement le potentiel pour aller beaucoup plus haut. Oui. Et quand il est dans un mauvais jour, putain, il a un potentiel pour jouer en Ligue 2, quoi. Il est. Quoi, il veut pas faire ça. Ouais, en fait, il est vraiment. Voilà, il n'y a pas. C'est tout ou rien, quoi. Mais quand ça rigole, de tout l'effectif, c'est sûrement un des plus gros potentiels, je pense, pour aller plus haut. Ouais, mais le haut niveau, c'est la régularité. Évidemment. Mm. Et après, ça reste un gamin. Oui. Voilà. Il n'a pas joué les Jeux Olympiques cette année parce qu'il n'a pas réussi à qualifier l'équipe du Brésil. Dont il était le capitaine. Voilà. Mais ça reste plus ou moins quand même depuis qu'il est là, un an et demi, enfin ça va faire un an et demi, un joueur quand même qui a montré. Seulement il a réglé l'été d'hiver dernier. Ça reste quand même un joueur qui a démontré un peu plus que la moyenne. Mais là, en ce moment, il n'est pas dans des bons moments. Oui. Il n'est pas dans. Ouais, mais alors c'est là où ce système est terrible, c'est que sa carrière est déjà un point de bascule. Parce que ce qu'il montre est clairement insuffisant. Pour prétendre jouer dans un club de première ligue, je parle même pas de Chelsea. Hein. Et on pourrait jouer avec Diallo et Simakan en Arabie Saoudite. Ça va se terminer comme ça, effectivement. Ouais, pourrait faire une belle photo, les quatre ensemble, parce que j'ai vu se passer sur les réseaux. Avec Diallo et Simakan. Simakan qui serrait la pince. Ça m'a fait mal. Pour le challenge sportif. Mais ils ont jamais joué ensemble, non, je pense. Simakan était parti déjà. Simakan était déjà parti. Mais l'image est belle. Et Simakan, il mange bien la comptine. Hein. Bon, en Arabie Saoudite, tu vas manger des dates, hein, ça. Ah, aujourd'hui, tu peux manger en Arabie Saoudite. Suffit d'avoir. Ouais, suffit d'avoir. Il paraît qu'il y a des plages. Je sais plus qui c'est qui m'a raconté. Jeddah. Genre, en fait, t'as la. Jeddah, c'est pas très loin de la Mecque. Hein. Donc, la Mecque, effectivement, tu fais pas ce que tu veux. C'est l'aéroport pour aller à la Mecque, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais Jeddah, t'as des zones européens friendly. C'est comme au Cap d'Agde. Ouais, voilà. Honnêtement. Et tu fais picoler dans les hôtels. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, moi, si j'étais Simakan, c'est là-bas que j'irais, quoi. Alors, j'ai quelques questions. Mais pas que. Tu picoles pas que dans les hôtels. Hein, oui. On n'a pas tout parlé du match du. Ah, il y a pas tout du match d'avance. Bah, il y a. Ah, oui. 15ème minute, il y avait un truc simple. Ah, les amis, oui, bah oui. Évidemment, bien sûr. Erreur. L'action du match. La fin de la glace. Évidemment. Il y avait un petit typo qui était sympa. Il y avait de. Un très très beau typo, très magnifique. Oui. Alors là, par contre, pour le coup, il y a un truc qui a fait l'unanimité au Racing. C'était quand même effectivement le typo pour l'annulation de Strasbourg. J'ai pas vu. Ah si, si, il y a un mec qu'on citera pas. Il s'appelle le grand contrôle Al-Supreme. Et il a dit quand même que c'est dommage de l'avoir sorti à la 15e parce que ça empêche les gens de voir le match. Bah tant mieux! Oui, ouais, bah voilà, franchement, c'était fait exprès. Merci les ultras. Les gens devraient payer les ultras pour les. Mais oui, alors, il y avait tout, hein. Il y avait le thème sympathique, Libération Strasbourg. Alors, on m'a dit oui, tout le monde ne savait pas qui était sur. On m'a dit, pourquoi le général de Gaulle est sur la. Mais qui sont ces incultes? Non, mais sans déconner. Les gens qui sont vaches, mais je ne citerai pas. Voilà, donc c'était le général Le Cap, parce qu'à l'époque il était que général. Oui, il y avait les trois étoiles sur le képi. Mais le sens du détail magnifique. Bah, Koufra, Savant de Koufra, il était colonel. Oui, commandant, je crois qu'il brode. Et c'est à la fin, il a fini en. Alors, plus exactement, je crois qu'il est capitaine au début de la guerre, qu'il est bombardé, je crois, lieutenant-colonel ou colonel, quand il part faire sa tentative de prise du. Alors maintenant, je sais plus si c'est le Gabon, le Cameroun ou je sais plus quoi. Et il brode. La France. Il y a une histoire comme quoi il brode lui-même les galons sur sa veste dans l'avion. Et effectivement, je pense que Koufra, il doit déjà être colonel. Quoi. Excellent podcast de Philippe Collin. Hein, tout à fait. Et avec les sbroufs et tout. C'est un peu une tactique à la Rosenior parce qu'à Koufra, il a un seul canon de 75. Il le déplace pour faire foutre la trouille aux Italiens. Donc c'est genre t'as un nazi, tu le fous un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu. Les Italiens c'était plus facile. C'est vrai que le tifo a fait l'unanimité. Ouais. Le design est très sympa. Ouais. Alors inspiré un peu de certains timbres qui ont été utilisés à la Libération. Donc il y a des timbres qui avaient été faits pour la Libération. Donc le design est inspiré en partie de ces timbres. Avec le char et tout, le détail. Est plutôt sympa, la réalisation est belle. C'est pas un char Leclerc, vous avez vu, hein, c'était un char. Non, c'était. C'est le char qui est au Port-du-Rhin. Le Sherman devant l'école du Port-du-Rhin. Mais... Et qui est. Voilà, donc plutôt sympathique. Plutôt sympa. Bravo aux UB qui ont travaillé là-dessus. Ouais. Quelques moments de peinture. Ouais. Quelques moments de peinture. De scotchage. Bah, 30 minutes. Plus de peinture. Mais en fait, c'est vrai qu'on va demander combien ça coûte un truc comme ça. J'avoue que j'ai mis plusieurs milliers d'euros, mais je sais pas exactement, ça pourrait être intéressant. Je lance un appel à Jean-Jean Arrache. Genre, non, mais de donner les heures, le coût aussi, de temps en temps. Ça avait été fait pour le tifo anniversaire aussi, de dire un peu, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte du nombre de l'investissement d'argent et de temps pour faire ça. Les gens ne se rendent pas compte aussi, les discussions pour mettre quoi sur la banderole de tifo. Est-ce qu'on met le serment de Koufra initial, celui qui est qui est gravé dans l'obélisque, place de. Nos belles couleurs. Voilà, du coup, la répétition ne rentre pas sur la tribune qui fait 78 mètres de large, ça ne rentre pas, donc il faut faire Choix. Il faut faire des choix qui sont. Alors moi j'ai lu que du coup vu que Metz c'est aussi fondu côté Horda. Ouais, moins bien. Mais pour lundi soir. Hein. Ouais, parfois le bleu en rouge, ça c'est une belle couleur, moi, pour nos amis messins. Et le cerveau de Koufra, il dit les cathédrales de Metz et de Strasbourg. A priori, dans le cerveau. Le problème, c'est que ça n'a jamais été écrit. Oui, c'est un. La retranscription. Place Broglie, il y a juste écrit que Strasbourg. Hein, oui, il y a une part de propagande là-dedans, évidemment. Et ça n'est pas étranger au fait que Metz a été libéré par les Américains, donc évidemment. Et d'ailleurs, Leclerc était sous commandement américain. Oui. Et a toujours milité pour le rester. Puisqu'il détestait de façon, enfin ça, Colin l'explique très bien. Il détestait Delattre. Il y avait une compétition forte entre les deux. Qui a libéré Mulhouse, hein, c'est ça? Mulhouse, Colmar. Mulhouse, la première armée française remontée du sud. Alors Mulhouse, ça a été déjà assez chaud et Colmar, ça a été très long. Alors que Leclerc, lui, fait son raid à travers le Dabo là. En tête de pont, ils ont récupéré au palais du Rhin, t'avais le gouverneur militaire allemand, les cafés étaient encore chauds quand les gars de la 2e DB ils ont ramassé des militaires allemands dans les bordels vers le faubourg de Saverne. Là où étaient les bordels. Je vous invite à regarder, les supporters de Metz ont fait un petit clip sur leur tifo là, la libération de Metz, et il y a notamment les images historiques de la libération par les Américains de la ville de Metz. Il y en a plus dans le clip, il est plutôt sympa. Qui pour le coup est une bataille beaucoup plus rude que la bataille de Strasbourg, parce que les mecs sont arrivés, en fait les Allemands ont paniqué, ils savaient pas du tout que les mecs allaient débouler, ils se sont barrés en catimini. Le fameux Blitzkrieg. Non, c'est ça. C'est exactement ça. On fonce tout. Oui, très important, évidemment. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire un petit peu sur ce match de Reims? Le communiqué du club? Le communiqué du club, oui. Si vous êtes plus au courant, Farouliane. J'ai vu qu'il y avait un communiqué. Qui disait qu'il faut pas. La violence est inacceptable. Voilà, il faut respecter les opinions de tout le monde. Voilà. Ouais. Mais grâce à la collaboration. collaboration. Ouais, nous comptons sur la coopération. Ouais, non, mais c'est. Voilà. Donc. Un communiqué un petit peu vide, si ce n'est que pour dénoncer les violences, on n'entendait pas moins du club, mais ils n'allaient pas. Voilà. Bah, oui et non, c'est-à-dire que dénoncer la violence, évidemment, Tout le monde dénonce. Et tous pour la violence. Enfin, pour dénoncer. Je pense qu'il y a 99% des gens qui lisent le communiqué qui ne savent pas de quoi ça parle. Mmh. C'est ça. Mais en fait, il y a un petit effet Streisand. Parce que il y avait eu des petites rumeurs concernant sur la banderole, etc. Ce truc-là, c'était bien tassé. Et là, d'un coup, un vendredi soir, le club met une. Vendredi 13, le club met une tartine sur Internet pour remettre une couche sur le sujet. Alors évidemment, personne ne peut être en désaccord sur le fond. Sur la forme, c'est un peu bizarre. Oh ouais. Non, j'allais dire, j'allais trouver un truc drôle, mais je vais trouver. Je voulais enchaîner sur Vendredi 13. Freddy. Non, mais j'ai des questions sur le Vendredi 13. Ouais, pose les questions sur le Vendredi 13. Le mot de Marco sur Twitter, je vous invite. Marco avec un. Ouais, mais alors, il y a beaucoup d'alias là. On s'y perd. Il y a Freddy Krueger comme photo. On s'y perd un peu, honnêtement. Ilvecchio, qui est notre Freddy Krueger à nous, qui demande enregistrement le 13 pour éviter le risque d'avoir à commenter l'hypothétique défaite au Havre. Bon, je comprends. Hypothétique. On va perdre au Havre. On peut en parler, on peut. On a bien perdu l'année dernière. Oui. C'est le match qui assure leur maintien, ouais. C'est le match de la VG. D'accord. Et j'avais une autre question pour votre retraite. Bien sûr, je vous en fais une autre au hasard. Bon, il vécu beaucoup de questions, mais on y reviendra. Putain, il y avait une autre question pour votre retraite, là. Ah, voilà. Rika Lewis 67, aussi, un fidèle. Habitué des questions Radio Chou, fidèle auditeur. Enfin, ça se trouve, il écoute pas, il pose juste des questions. Hein. Oh, enfin, on le paye cher pour les questions, quand même. Enregistrement de Radio Chou, vendredi 13. Point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation. Oui. Tentative de. Là, je fais comme JP Larkin. Tentative de conjurer le mauvais sort. Non, tu parles pas assez lentement. Ah, ouais, c'est vrai. Volonté autodestructrice. Autodestructrice, voilà, donc vous avez compris, qui se détruit. Harakiri. Professeur Choron. Tout à fait. Ou au contraire, tentative désespérée de vaincre le signe indien et de relancer un racing à la dérive complète. Bah, l'autodestruction a toujours été dans l'ADN de Radio Shtoub. Je veux dire, ça fait partie de l'ADN. Bah, on choisit autodestruction. Bah oui, volonté de détruire. Mais c'est marrant quand même cette superstition du vendredi 13 qui subsiste, quoi. C'est pour ça que le Racing a envoyé le communiqué le vendredi 13. Le vendredi 13, ouais. Ah bah, quand on parle de vendredi 13, je vois un message de JP Lark. Tout à fait. Ah, il a acheté une nouvelle suite. Il me pose la question si on en a parlé du communiqué du club au sujet des incidents, entre guillemets. Mais il n'a pas écouté. Match, enfin, mais il écoute pas en direct, ça me désole. Pourtant, c'est lui qui gère le flux. Évidemment. Ouais, mais ça marche pas sur son Betamax. Donc, si vous voulez écouter la question. Le problème, c'est le Haut-Karabakh. Ils ont coupé la liaison à bas débit. Donc, il a vraiment beaucoup de mal à choper. Avec ses 512K, là, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, bah, il y a des questions. Alors, question de Mathéo que j'aime beaucoup. Ah, voilà. Oui, question de Mathéo. Deuxième saison de merde, de qui se moque-t-on? Et je pense qu'en miroir, on peut citer Clutch, qui demande troisième saison de merde, de qui se moque-t-on? Alors, certes, les saisons de merde s'enchaînent. Bon, alors déjà, deux choses. Hein. Première chose, on est au Racing, on a l'habitude. Oui, on s'est assez plaint dans Radio Shtoub, là, de ces saisons... Saison Stéphane. Ça a été très compliqué pour nous, la saison Stéphane, là, où on pleurait à chaudes larmes sur notre Racing un peu moisi. Mais, quand même... Il faut bien dire qu'il y a quand même une grande différence entre les deux types de saisons moisies, c'est que là, on dépense quand même 60 millions chaque été pour faire de la merde exactement de la même manière. Et ne pas avoir de banc. C'est ça. Donc. Et de qui se moque-t-on? Bah, du public. Voilà. Ouais, bah alors le public a l'air d'avoir envie qu'on se moque de lui aussi. Hein, bah, parce pas tout le monde, quand même. Ouais, tout le monde. Donc ça, alors bon, évidemment, ça varie, ça fluctue un petit peu, l'humeur fluctue suivant les résultats. Mais moi, je. Bon, là-dessus, je suis sans doute minoritaire, mais je reste. Je regarde la Fligum, donc je suis affligé par la passivité finalement des gens qui acceptent à quel point on se fout de leur gueule, mais vraiment ouvertement. C'est-à-dire que quand tu vois qu'un mec comme Ekbali dit j'en ai rien à foutre, je vais vraiment pas venir vous voir, bande de bouseux, vous êtes juste mon terrain d'expérimentation. Je paye quelqu'un pour faire ça. Ouais, c'est ça, ouais, bah. Mais contre Reims, c'était de l'indifférence, alors que les fois d'avant, les matchs à domicile précédents, pendant la grève, c'était des sifflets, des insultes. Là, contre Reims, il y a quand même un petit... Il y a des petits sifflets à 15e. Mais ça, je pense que... Moins fort. Les gens n'aiment pas arrache, c'est tout. Oui. Moi, c'est mon ami. Ouais, bon, c'est un mec détestable. Ils aiment tellement pas qu'ils ont quand même jeté des projectiles dessus. Hein. Ça, c'est... Ah. Il y a des photos qui ont été prises et remontées au club. Il y a eu des jets de projectiles sur le capot. Ça, on n'en parle pas. On d'accord. Il y a, de la violence dans le stade. Je suis pas sûr que ce soit ça communiqué, ouais, mais c'est intéressant, pour dire que voilà, il faut bien que les gens se rendent compte, quoi. Ouais. Les gens commencent à péter des câbles parce que les ultras chantent pas à la première minute, quoi. Pour eux, c'est un but, et si tant que les ultras reprendront pas les chants à la première minute, il y a des gens qui vont être complètement stressés et rester bloqués là-dessus, au point de vraiment faire des actions qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Là, on parle d'une bouteille en verre, hein, qui a été jetée sur eux. Ouais, c'est ça, là, mais, on peut pas citer la marque, mais c'est du Jägermeister. Voilà, c'est une boisson aux plantes, voilà. C'est quand même relativement grave. Moi, je pensais qu'il y avait un revirement contre Reims, mais non, oui, là c'est grave. Oui, évidemment. En fait, je pense qu'il y a une minorité qui... Il y a malheureusement une majorité écrasante de la BDO qui est dans le... Qui soit s'en fout, soit se tait. Oui, qui s'en fout, se tait. Et qui habille ça sous le fameux wait and see, hein, qui est quand même une posture extrêmement... Après, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent plus, hein. Parce que, 50e guichet fermé avec 19 000 personnes autorisées un peu au coup, en vrai, beaucoup moins. Il y a des places vides, oui, bien sûr. Et il y a quand même beaucoup. Enfin, il y a la conjonction des travaux et du projet un peu flou, fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas revenus à Bédo. Si on finit européen, ils reviendront tous. Briguer les places d'honneur en disant qu'ils sont tous abonnés. Si la saison continue sur ce déroulé, l'année prochaine, quand le stade sera complet, il ne sera pas plein. Oui, parce que la plateforme de revente, apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de places en vente encore le jour même, oui, qui ne partent pas. Qui ne partent pas, ouais. Mais c'est. En fait, il y a deux choses, je pense. Il y a quelque chose qui est profondément cassé autour de la dynamique, et en fait, je pense que tout le monde a surestimé la solidité de cet effet Racing là ces dernières années. Je pense que vers 2019, tout le monde s'est senti vraiment très très fort en mode ça y est, on a enfin réussi à solidifier cet acquis, cette culture club. Et en fait, on se rend compte que c'est très réversible. Et la deuxième chose, c'est que je suis désolé, il y a une espèce de complicité au minimum tacite où finalement. Tout le monde habille ça sur en mode « je ne suis pas dupe, je vais attendre de voir comment ça tourne ». Mais en fait, les gens n'ont aucune conviction. C'est-à-dire que... Et non seulement ils n'ont aucune conviction, mais pour certains d'entre eux, pas tous, fort heureusement, ils reprochent à ceux qui en ont de les avoir. Oui. Et c'est une chose très différente de dire « je ne suis pas d'accord avec toi et on va avoir un débat un peu houleux peut-être, mais on a des opinions différentes » à t'as énormément de gens qui disent en fait vous exprimez des opinions au stade, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, cette fièvre de faux consensualisme, genre on est censé fermer notre gueule et accepter tout ce qui nous arrive. Enfin, moi, ça c'est un truc, j'ai énormément de mal à comprendre. J'ai énormément de mal avec ça. Et je pense que c'est un peu le nœud du problème, quoi. C'est-à-dire que. T'en as, effectivement, ils voient ça comme un spectacle. Les ultras, c'est des agents d'ambiance. Ils sont frustrés de ne pas avoir le début d'ambiance. Mmh. Alors, avec des arguments du genre, oui, les joueurs, ils sont complètement tourneboulés. Les joueurs sont tourneboulés, on leur a expliqué 10 fois. Les statistiques montrent que, à la mi-temps, les débuts de match sont généralement bien meilleurs que les fins de match au contraire, quand les gens trucs. Donc voilà, sachant raison garder, je veux dire. Les gens font bien ce qu'ils veulent, les ultras disent vous pouvez vous exprimer, mais venez pas nous marcher sur nos plates-bandes. Mmh. Les personnes qui viennent dans la tribune pour empêcher une banderole de sortir, pour empêcher des chants, pour balancer des projectiles et tout ça, ça va 5 minutes. Mmh. Ça va vraiment 5 minutes. Et effectivement, la situation se tend, mais la situation se tend par des personnes qui sont. Contre l'attitude des ultras, les ultras, eux, ils sont inclusifs dans le sens où tu as le droit de ne pas être d'accord sans pour autant. Mais par contre, ceux qui viennent et ils viennent dire c'est inacceptable, ils sont quand même d'une véhémence et ils font des choses qui sont, en temps normal, ne seraient jamais tolérées. Quoi. À Strasbourg, faut bien que les gens comprennent, les supporters, on va dire la tribune active de Strasbourg, elle est extrêmement bienveillante. Oui. Ça se passerait dans un autre club. Avec d'autres groupes de supporters, les voix dissonantes, elles auraient été éteintes depuis très très longtemps. Quoi. Donc à Strasbourg, les gens peuvent s'estimer heureux d'avoir un groupe de supporters plutôt raisonné, qui a son avis, qui essaye de l'exprimer, mais qui écoute les voix dissonantes et, à défaut de comprendre ce que les gens disent, essaye de le respecter, du moment que chacun chez soi, et puis tout va bien. Dans d'autres tribunes, ça serait passé de manière bien plus radicale. Oui, parce que t'as certaines personnes qui tentent de lancer des chants pendant le premier quart d'heure. Ils se font pas chasser, il y a pas de baston à cause de ça. Ça dure 30 secondes parce que personne ne suit, mais ils sont libres de lancer des chants s'ils le veulent. Et il y a eu 3 tentatives de chants qui n'ont pas marché. Le premier avait marché pendant 1 minute, et après, c'est fini. Oui, tout au début. Et c'est lancé au centre de la tribune ouest, j'ai l'impression. Alors, on sait très bien qu'il est là, on s'en donne les euros, les adresses. Non, mais ce que dit Roulian est très très vrai. Hein. Je pense que c'est. Là, on est en train de discuter de Pécadi. Hein. Il y a quelqu'un qui a. Enfin, t'essayes de déchirer une banderole ou t'essayes d'empêcher une banderole de sortir au milieu d'une tribune compacte avec beaucoup de monde. Évidemment, s'il y a de la violence, c'est dommage, c'est regrettable. On reste quand même dans un niveau très infra. Hein. Je pense honnêtement, le stade de la Meno, c'est un endroit extrêmement sécurisé. Je pense que tu prends plus de risques en marchant au centre-ville qu'en allant voir un match au stade. Hein. Faut en être conscient. Hein. Et il y a une hystérisation de certaines choses qui restent fort heureusement mineures et qui doivent le rester. Mais ce qui est beaucoup plus dérangeant sur le fond, c'est qu'il y a une... franchement, je vais aller un peu plus loin, il y a une quasi-criminalisation de l'opinion dissidente, quoi. C'est-à-dire que tu pointes du doigt le... En fait, c'est un peu genre... Vous êtes avec moi ou contre moi, un petit peu Vous parlez de problèmes, c'est pas bien, il faut pas parler des problèmes. Moi, c'est plus comme ça que je le ressens, tu vois. C'est-à-dire, au fond... Je pense qu'il y a très... Mais ça d'ailleurs, par contre, c'est très bien exprimé par beaucoup de personnes qui sont plus attentistes. Les gens qui sont vraiment convaincus par Blouko, je pense que tu les comptes sur les doigts de la main de Django Reinhardt. Ah, j'aime bien cette expression. Mais il y a beaucoup de gens qui, finalement, sont un peu gênés aux entournures parce qu'ils savent que c'est de la merde, mais ils ont du mal à renoncer à l'enveloppe, tu vois. Et c'est là où il y a une tension qui se noue, c'est que on voudrait bien que ce soit l'ancien Racing, celui où on se tape tous dans la main, où on est tous d'accord, et où on chante, et on mange une tarte flambée, et puis c'est cool, et éventuellement on gagne le match. Mais en fait, c'est plus possible. Bah non. Parce que ce... Il faut aller à Sochaux. Ouais, ça non, gagne mais... pas trop longtemps que ça, Sochaux. Ouais. C'est... Il y a des vitrines. Cette espèce de consensus qui a toujours été très très fragile, hein. Il a été brisé, quoi. C'est-à-dire que quand tu peux pas à la fois jeter... Il a été fantasmé un petit peu aussi, en fait. Il a été fantasmé par tout le monde. Oui, voilà. Ah bah oui, par les supporters le premier. Genre, en fait, genre, ça même été dit... genre, je sais plus qui l'a dit sur le jeton. Genre, Marc Keller a toujours été Marc Keller. Il s'est pas réinventé le 12 juin... Le 22 juin. Le 22 juin. 22 juin 2023. 2023. C'est juste qu'à un moment, tout le monde tirait dans le même sens et qu'un jour, les sens ont changé et que ce qu'on tolérait masqué avant, on n'est plus devenu possible. Il y a des gens qui, effectivement, je pense que tu as raison, il y en a qui disent, ouais, j'ai encore envie que, genre ma femme me trompe, mais genre, j'ai pas envie de le savoir parce que ça va créer des problèmes, tu vois, genre. Ouais, mais c'est toi ça, c'est les enfants de divorcés qui voudraient bien que leurs parents se remettent ensemble, quoi. Non. Et c'est pas possible. Surtout au Racing. Non, surtout au Racing. Les divorces se font surtout avec fracas. Donc, en fait... C'est là où le communiqué du club, moi, me met mal à l'aise, quoi, parce que... Ah, ce qui est surtout mal à l'aise, c'est qu'il est écrit avec le cul. Il comprend rien, il veut rien dire, en fait, On ne sait pas à quoi ils font référence, à part les quelques explications qui nous ont été apportées. Donc déjà, en fait, il dit des faits de violence, tu vois, donc on sait pas à quel moment précis. Peut-être qu'il parle de ses coups bras attaquants. Ah oui, c'est exactement. C'est que des faits, on va dire, répréhensibles ou de violence, ou de ce que vous voulez, tu peux voir ça à tous les matchs, entre tous les matchs, il y a des mecs qui jettent un gobelet, qui se font interdire commercialement de stade, ouais. Des choses comme ça. Et il n'y a jamais eu de communiqué du club. Mmh. C'est ça. Que le communiqué sorte maintenant. Un vendredi. Cinq jours après le match. Quoi. Tu te poses des questions sur quel est l'intérêt en fait derrière de faire ce communiqué, même si dans le fond, dire la violence c'est mal, ouais, ok. Il y a qui va dire non, la violence c'est bien. Surtout qu'il est. On peut discuter si la violence est bien ou mal, mais ça prendrait beaucoup de temps. Le communiqué parle aussi de respect des opinions des uns et des autres, donc oui, ça vise quand même ce genre de fait. Bah, c'est le respect de l'opinion de Sekou Mara qui a décidé de ne pas jouer au football. Ah oui. Il fait un genre conviction. Ouais, je pense. Moi, la violence, c'est les passes en retrait de Bakassi, là. c'est ça, c'est la vraie violence que je vois au stade de la Méno. Heureusement qu'il n'a pas joué contre Reims. Mm. Alors, allez, on parle de violence. Des questions. On va un petit peu, ouais, question Minitel, et surtout, on va un petit peu se marrer. On avait prévu un dossier Rosé Dior. Tu sais, il n'y a pas un dossier, ouais. Cette feuille de cloche. Il est l'or, Rosé Dior. Donc, il y a Rocoras qui nous dit allez, une question polémique. Ah. Parfait, on adore ça. Semaine de vacances pour les non-sélectionnés. Oui, j'étais en pleine semaine avant le match. Je vais noter. La gestion du tempo de l'entraînement sera-t-elle source de la baisse de performance du Racing? Ouais. Il y a, entre guillemets, du Racing à partir de la 60e minute. Dédicace à Robin Schreiber, à qui j'ai piqué l'idée. Donc là, on ouvre le Dominique Roselier parce que oui. C'est un peu l'homme du moment. Et cette question est intéressante parce qu'effectivement, la baisse, celle-là, personne ne peut la contester à partir de la 60e minute. On va dire qu'il a un management moderne. Oui. Notre ami Roselier. Télétravail. Non, mais c'est vrai que c'est quand même assez inédit. Alors, cet été, il y a eu la fameuse semaine de congé accordée en pleine préparation, mais c'était a priori Patrick Vieira, enfin, ou ceux qui dirigeaient, parce que Roselier n'était pas encore là. Mais là, systématiquement, à chaque trêve internationale, donc par définition 2 semaines, il accorde la première semaine de repos complète à ses joueurs. Alors que dans tous les autres clubs, ceux qui ne sont pas partis en sélection restent faire un entraînement. Alors, ce n'est pas souvent des entraînements très poussés, mais ça leur permet de maintenir une activité physique. Alors que là, bah, tu ne sais pas ce qu'ils font les joueurs en fait, chez eux. Ils picolent, ils vont en Suède... Bah, ça a été l'enquête est close. Nanasi a eu le droit d'aller. mais aussi, il y avait l'histoire de Nanasi qui a pu fêter le titre de Malmö en Suède, donc il est parti 3-4 jours. Cool, en fait. Dans l'esprit, je trouvais ça cool. Non, mais dans l'esprit, c'est cool, mais là, en l'occurrence, c'était pendant très international, c'était pendant une vraie semaine. Semaine. Donc c'est cool si le mec revient en forme après. S'il revient complètement cramé, parce qu'il était cramé d'avant. Hein, genre. Mais du coup, honnêtement. Ça fait partie du storytelling. Mm. Le storytelling de Liam Rosenior, c'est... coach moderne. Je suis un coach moderne, j'invente des... T'inventes que là, mec. C'est la même chose qui est resservie à chaque fois. Dans la sauce, t'as mis du poivre à la place de mettre du piment. Quoi. Mais ouais. C'est la même chose. Ce que tu nous sers, c'est la même sauce que d'habitude. Mais ça fait partie du storytelling. Mm. Et là, les conférences de presse de notre ami Rosenior... C'est même plus de la méthode Coué, quoi. Là, c'est le mec, il essaie de s'auto-rassurer lui-même. Mm. Et t'as l'impression qu'il est plus en maîtrise, le garçon, hein, déjà. Et ça fait pas longtemps. Mm. Là, on parle de quoi de, même pas si. C'est vrai que Rosenior est plus jeune que toi. Oui, bah, Rosenior, oui. Mais, et même dans ses conférences. Plus jeune que certaines personnes autour de la table, je pense. Mais... c'est possible. Non, oui. Moi, c'est bon. Moi, c'est bon. et après dans ses conférences de presse, mais ça il l'avait déjà depuis le début, il y a toujours, bon, c'est très anglo-saxon cette tendance à l'emphase, à dire ce joueur est génial, l'environnement est génial et tout. Donc, on a remarqué qu'ils ont pu manger de tarte flambée depuis un petit bout de temps. J'étais au dernier match, je m'avais vu. Il y avait une question de Kittle après une défaite, il dit est-ce que Rosenior a pris une gratinée cette fois-ci. Salut Kittel. Salut Kittel, petit ange. Mais oui, très critique. Mais c'est vrai que Rosenior, on est vraiment passé de tout, de l'entraîneur révolutionnaire qui gagne les matchs avec sa tactique, avec sa super tactique, ouais, innovante, en fait, à un entraîneur qui tâtonne aujourd'hui. Après, Rosenior n'a pas changé, hein. C'est la com qui ne passe plus en fait. Genre... Ouais, enfin, il y a quand même beaucoup de cuistrerie. Il y a de la cuistrerie, hein, chez Rosenior, parce que. Oui. Quand il est arrivé, il a vraiment sorti un discours. Alors, on est d'accord, hein, ça a séduit les esprits faibles. Mais c'était. Non, moi je le trouve ça. Enfin, je l'ai trouvé. Oui, sympa. Oui, ah, oui. Toujours sympa. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas. Enfin, le type dit exactement aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et dès que ça se tend un peu, la façon dont il s'exprime. La façon dont son visage, sa posture, son body language, ça a déjà changé du tout au tout. Là, tu vois un mec hyper tendu. très très sur la réserve, très agressif, alors que en juillet là, il y a eu cette vidéo qui était vraiment putassière, où on le voyait taper dans la main là, tu sais le demi-mongol là de Twitter là avec son gamin là. Ouais, voilà, non mais c'est ça. Tu peux jouer attaquant, c'est cool, mais oui. Il a rendu la vue à des aveugles. Non mais c'est ça. Et en fait, je veux dire, là, honnêtement, c'est là où on voit la cuistrerie, tu vois. Et c'est là où j'échangerai, mais ça, je l'ai déjà dit, je crois, dans un radio tout précédent. J'échange pas ma capsule de Loret contre 5 barils de rosé noir. Parce que Loret, il faisait pas semblant d'être ce qu'il n'était pas. C'était un sale con. Non, mais moi, tu le savais. Non, mais tu sais, c'est la fameuse formule de Kennedy. Ouais, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. C'est le nôtre. Et Loret, c'était ça. Loret, si quelqu'un lui revenait pas à l'entraînement, il disait que sa gueule lui revenait pas. Il lui faisait pas genre. Si tu posais une question sur Yohan Sanger. Gigas s'est fait clasher par Thierry Loret. Ah. Non, mais Thierry Loret comme Dimitri Hénard, ils sont morts le jour où on est monté en première division. Parce qu'en fait, c'est pas tellement le Racing qui veut qu'on fasse des vidéos pourries avec des enfants handicapés qui jouent attaquants. C'est la première division qui est comme ça. Mmh. Où on communique sur des trucs de merde à longueur de journée et quand on perd deux matchs, il n'y a plus rien. Tu parles de l'un des cinq grands championnats qui n'a pas réussi à se valoriser à l'international. Le seul championnat qui ne vaut pas. On ne parlera pas que les Allemands ont revendu leurs droits domestiques de la Bundesliga pour 1,2 milliard. Oui. Mais parce que les Allemands auraient travaillé leurs produits. C'est incroyable. Comment ça? Avec des stades pleins et... Parce qu'on ne parle pas du foot. Hein. Le foot allemand, tu as regardé les niveaux de la Bundesliga? Il y a quatre équipes qui savent jouer au ballon. Hein. Le reste, c'est des demi-mongoliens entiers. Hein. Sans déconner, la Bundesliga, c'est nul à chier. Mais, oui, mais ça attaque. Ouais, ça attaque. C'est maladroit. Ça attaque, mais l'enveloppe est bonne. Et puis surtout, en fait, la Bundesliga, tu sais quoi ça ressemble? Ça ressemble à Lille-Strasbourg de début de saison. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens. Tu vois des super buts, mais ça, ouais, les mecs en défense, ils sont là. Attends, je refais mon lacet. Ah merde, il y a un but. Et ça ressemble à ça. Oui, avec ses roues bien assis. Évidemment, quand t'as une moyenne de 30 ou 35 buts par journée de championnat, ça se vend. Mm. Mais c'est surtout, t'as le package de. Ça marque des buts, les tribunes sont pleines, les tribunes sont animées. Mm. Un pays qui aime le football, un pays de football, un pays de sport en général. Des clubs stables financièrement. Voilà, ça se vend. Des clubs. Alors que nous, on a Tonton Labrune là, qui se fait dépecer. Là, j'ai vu que DAZN nous fait de la promotion, vous avez vu, mais ils refont une autre promotion maintenant avec. On vient vous sucer si vous prenez la bonne. La promotion dure au-delà de la saison à venir, elle continue encore sur X temps. Ouais. Bon, ça c'est normal parce que plus les matchs. Hein. Pour finir la parenthèse sur DAZN, les premiers abonnés, ceux qui sont abonnés tout ce début plein pot. Toi? Moi, en l'occurrence. Eux, la promotion n'est pas rétroactive, hein. Je continue de payer plein pot. Bah oui, c'est... Mais t'as pas le droit de... Bah en fait, non, c'était l'offre en engagement. Après, il y a une tactique, tu suspends le prélèvement. Oui. Bah. De toute façon, ils vont rien faire, ils vont pas aller te chercher pour 40 balles, et après tu te réabonnes. Bien sûr, je pense qu'ils sont peut-être à 40 balles près. Parce que ça va leur coûter plus cher en frais d'avocat. Moi, je serais toi, je ferais ça. J'ai un bon avocat. Tu t'abonnes au nom de ta mère et on en parle plus, quoi. On va essayer. Maman, j'ai fait un truc sur internet. Non mais c'est enfin Rosénior, ouais. Honnêtement sur... oui, je vais enchaîner sur Rosénior. Non mais Rosénior, c'est enfin c'est vraiment en fait que autant de gens se soient laissés berner par cette enveloppe qui au final ne fait que Jean-Pierre Bernier, c'est pas vrai. Non mais c'est le principe de toute arnaque, il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre quoi. Je me souviens très très bien, il avait sorti 2 minutes de discours sur l'Alsace et tout, c'était le truc récité au possible. Wikipédia. Et tout le monde est tombé dans le panneau parce que le gars en fait était... Alors certes, effectivement c'est très anglo-saxon, les mecs sont suffisamment pros pour lire la fiche Wikipédia et te sortir ce qu'il faut un peu... ce qui fait un peu bien quoi, mais c'est faux quoi, ce mec c'est un faux cul, c'est évident quoi. Ouais. Alors après il a peut-être 2-3 compétences en football et tout, j'en sais rien, mais c'est de toute évidence le type est là 1 pour faire carrière, 2 il en a strictement rien à branler de Strasbourg, et 3 il va dire ce que son patron lui dit de dire ou ce qu'il arrange suivant son mood, et il faut pas s'attendre à autre chose quoi. Mais c'est un mercenaire, comme ses joueurs sont des mercenaires, comme les directeurs sportifs sont des mercenaires, comme son patron c'est un type qui est là pour acheter et revendre. Plus personne n'en a rien à foutre du club là-dedans, quoi. Il y a une question militaire qui concerne Rosénior, quoi. Ouais. Alors, c'est de Nico.67. Ouais, qui est du Barin. En cas de poursuite des mauvais résultats, aurons-nous droit à un Rosignor quoi qu'il en coûte, façon Kingsborough, ou bien à un Rosignor Kistanbo, ou bien un Rosignor d'émission? Bah, Rosignor a été recruté par le duo magique Winstanley Stewart, donc s'il le vire assez rapidement, il se renie. C'est un échec pour eux. Donc je pense qu'ils vont essayer de le maintenir. Leur tactique est la même que l'année dernière. Hein. Ils partent du principe qu'il y aura au moins un ou deux clubs qui seront tout aussi mauvais que nous. Oui. Qu'il y en aura trois ou quatre autres qui seront en bisbille avec la DNCG, que eux, ils ont la garantie de passif à la DNCG, que donc de toute façon, en fait, en vrai, on peut être aussi mauvais qu'on veut, comme l'an dernier, il n'y a aucun risque de relégation. Donc, on fait n'importe quoi, on fait des tactiques un peu fanfaronnes pour voir si au milieu de tout ce merdier, il y en a un qui arrive à vraiment exploser parce que il est capable de résister à toute cette merde, et en fait... Dans les dernières, il disait que... Dans l'équipe, il était dit que les directeurs sportifs étaient très contents de la progression individuelle de certains joueurs. Oui, c'était un article de l'équipe, ouais. C'est un super article qui parlait de tout le monde, sauf du mec qui est censé diriger le Racing, Marc Keller. Tu l'avais trouvé très méchant si tu lisais à travers les lignes, où on t'expliquait que genre les mecs au-dessus parlaient à Rosignor, Egbeli parlait à Rosignor, le mec anonyme avait fixé les objectifs, et il y avait un mec qui n'avait pas le droit de citer, c'était Marc Keller. C'est pas méchant, c'est la réalité. Ouais, mais jusqu'à avant, le mec, il mange encore des tartes flambées avec des saucisses avec Marc Keller, pour le coup, parce que Marc Keller mange des saucisses. Après, est-ce que dans, on va dire, nos actionnaires qui possèdent de Chelsea et tout, est-ce que ça les a déjà empêchés, dans la maison mère, à partir du moment où les résultats sont pas là, de virer un entraîneur? Ça les a jamais empêchés. Ah non, bien sûr. Ouais. Donc, du coup, alors, est-ce qu'ils vont le virer si on perd au Havre et qu'est-ce qu'il reste comme match de championnat? Il reste... Non, c'est tout, il n'y a que là. Il y a là. Mais après, il y a Calais en Coupe de France. Oui, question vitale. Il y a une question vitale après, mais est-ce que ça sera sûr? Non. Non, je pense qu'ils vont essayer de le garder au maximum. Par contre, à l'été prochain, on peut une prépa. Par exemple, au fin fond de l'Autriche, pourquoi on le virerait pas? Mais c'est vrai que ça m'est revenu. Il y a un exemple un peu connu à Chelsea, c'est Graham Potter, qui avait été donc l'entraîneur de Chelsea, qui a été viré. Et en fait, c'était Winstanley qui l'avait connu à Brighton, qui l'avait fait venir à l'époque à Brighton, qui l'avait fait venir à Chelsea. Et ça les a pas empêchés de le virer. Alors, ils ont versé 20 millions d'indemnités, mais... C'est pas personnel, c'est que du business. Oui, c'est vrai. C'est... Rien de personnel là-dedans. Je suis encore un peu un romantique du football et des relations humaines, mais... Je te vire, il n'y a rien de personnel, je t'aime beaucoup, mais c'est le business, tu comprendras. Oui, tu passeras la compta, chercher ton chèque. Une montgolfière pour qu'elle monte. Exactement. Faut... Tu comprends, Kevin? Une machine à laver, de temps en temps, il faut sortir le linge. Mais sur Rosignor et ce... Un peu cette différence entre ce qu'il essaie de faire paraître et les réalités... Alors ça peut paraître pas grand chose, mais le fait de passer de plus en plus d'entraînements à huis clos, enfin aujourd'hui il y a plus que deux entraînements dans la semaine qui sont ouverts au public, alors qu'auparavant à Strasbourg c'était historique, tous les entraînements étaient ouverts, et Rosignor maintenant il a instauré le huis clos, trois entraînements sur cinq, et dernièrement il y a le fait de ne pas vouloir publier le groupe un jour avant les matchs, alors que ça c'est pareil, c'était historique. Alors c'est des petits détails, mais ça montre que... Est-ce que c'est propre à Rosignor? Non, ça se fait de plus en plus, c'est vrai. Je pense que ça serait fait sans Rosignor, mais le fait qu'il le fasse là, c'est qu'il est malade. Ouais, mais quand tu dis que quand Rosignor veut paraître sympa, proche des gens, je te check à chaque entraînement ouvert au public, et à côté de ça, on parle plus trop à la presse, on fait des entraînements à huis clos, on communique plus le groupe au public, alors que voilà. Bon, alors de plus parler à la presse pour les joueurs, ça c'est un truc qui a au moins 5 ou 6 ans. Hein. Oui, mais avant on prétendait être un club différent, maintenant. En fait, je pense que ce que je disais avant, c'est le jour où on est monté en première division, on s'est condamné à devenir un club comme les autres. Non, c'est pas tout à fait. T'as des vrais clubs. Regarde Brest, c'est très ouvert. T'as Brendan Chardonnay qui appelle le Moscato Show sur RMC, oui, qui raconte des blagues de cul. Enfin voilà. Ça c'est Brest qui sourit. Il y a 2 ans et demi, Brest, c'était la guerre ouverte contre tout le monde. Dans le vestiaire, personne ne pouvait se blairer, c'était prêt à exploser. Quand tu gagnes des matchs, tu peux appeler le Moscato Show, tu peux aller manger le tartre fondé, tu peux faire ce que tu veux en fait. C'est le football. Le football, si tu gagnes, tu peux faire ce que tu veux. Non mais là, je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, c'est dans la défaite qu'on voit vraiment la vraie attitude. Mais, alors certes, le côté première division, avec l'accent qui est mis sur la communication, la capacité d'énormément d'acteurs périphériques à vriller sur le moindre détail à la con fait que ça pousse à une normalisation à l'extrême. Pour autant, sur les premières années où on était en première division, j'avais pas l'impression qu'on était là-dedans, quoi. Je veux dire, Loret, quand ça lui cassait les couilles, les conneries de Neymar, et qu'il l'a défracté en conférence de presse, oui, ça lui a coûté très cher derrière. Ça, oui. Non, mais je parle... Loret, mais derrière, les joueurs étaient déjà plus accessibles pour une interview. Ah. Non, mais même des Ajor, on était déjà en Liga depuis 3-4 ans. C'est venu de façon petit à petit. On s'est professionnalisé, on a vendu notre âme au diable du professionnalisme, le club à l'entard. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça précède, ce type de normalisation précède le rachat, ça c'est certain. Après, là, on est entré dans autre chose. Non, là, c'est la vitesse supérieure. Là, on est entré dans une instrumentalisation où, en fait, il y a quand même quelque chose de très différent, et c'est ce qui ressort aussi du refus d'Egbali de venir. C'est que tu n'es plus considéré. C'est-à-dire que avant, tu pouvais être éventuellement un petit peu manipulé, parfois de façon à moitié consentante. Évidemment, personne n'a été totalement dupe du discours de Marc Keller, qui est quelqu'un d'assez fin et qui servait le discours qu'il arrangeait. Mais quelque part, on était un peu entre nous, quoi. On faisait quand même un peu nos histoires entre nous. Ça restait en famille. Ouais. Famille élargie, famille un peu ch'ti par moment. On joue bien toi calé. L'oncle a couché avec la sœur, bon ok, c'est pas grave. Sauf une fois au chalet. Il était bourré, pas de problème. Là, en fait, il y a quand même quelque chose d'extrêmement différent et qui renvoie quelque part à la période d'Ilali, c'est qu'on est leur zoo humain, quoi. C'est-à-dire que je pense que Egbali se considère comme faisant partie d'une autre caste. Et Rosenior quelque part aussi, c'est-à-dire que lui il est anglais, il vient d'Angleterre, son rêve c'est évidemment d'entraîner en première ligue. Quand il débarque chez nous et qu'il fait son effort de démagogie là, c'est Chirac au salon de l'agriculture. C'est la seule comparaison qui me vient. Et ça me rappelle une séquence comme ça, il y avait un film qui avait été fait sur... Et je pense sincèrement que Rosenior est comme ça. Enfin, contrairement à ce que tout le monde pense sur lui, je pense que ce type est un trou du cul. C'était un film qui avait été fait sur Blurrer, qui est le leader de l'extrême droite suisse. Ça, c'est méchant déjà. Ouais, le type vit dans une villa à Zurich avec des œuvres d'art modernes, une piscine à débordement avec vue sur le lac, enfin vraiment le truc et tout. Mais son parti, c'est vraiment la défense de la Suisse éternelle, les yodels, les machins, les trucs, etc. Et donc tu vois, je sais pas, il y a un type qui avait obtenu le droit de le filmer en caméra portée, plan séquence, sur tout ce qu'il faisait. Ils montent dans un petit village paumé, là, quelque part dans les montagnes, où ils ont leur fête traditionnelle, avec les culottes de peau, ils parlent, tu comprends rien, même les Allemands comprennent rien. C'est du roman. Et donc il leur fait des caisses sur moi je suis un pauvre Suisse, il faut qu'on défende notre truc, etc. Et donc il en fait pendant une heure, il fait sa démagogie et tout machin, etc. Et après tu vois le plan où en fait il est sur la banquette arrière de son Audi A7 ou A8, je sais plus, enfin bref, la grosse bagnole quoi. Le caméraman est à la place du mort, il filme lui et sa nana. Et tu vois Blurrer qui dit « J'en peux plus, on se barre de chez ces cons, quoi. » Et sachant qu'il vient de leur servir pendant une heure sa démagogie. Et je pense que Rosenior, c'est absolument certain, et Marc Keller un peu sont dans cette posture. Ouais. Il faut se rendre compte du cynisme de ces gens. Et Egbali n'a pas envie de faire ça. Et Egbali, lui, en fait, il est même pas capable de consentir à ça. Parce que il paye pour ne pas le faire. Et il paye pour ne pas le faire, effectivement. Mais sa réaction, c'est ça. Genre, je paye... pour le faire, quoi. Je paye quelqu'un pour nettoyer les chiottes. J'ai pas de temps pour vous. Et c'est très très différent d'un mec comme... Je trouve que c'est honnête. Et c'est juste qu'il faut l'accepter comme ça. Ou pas. Il faut l'accepter que le mec est genre juste... il a juste racheté un actif financier. Il en a rien à foutre qu'il y a un club de foot qui est des supporters. Ça ne l'intéresse pas. Il paye un mec, comme tu dis, pour nettoyer les chiottes. Et pour faire tourner la boutique. C'est même pas un actif financier, parce que... Oui, ouais. C'est l'outil d'un actif financier. Tu regardes sur le site de Clear Lake, je crois que c'est Rokoras sur YouTube qui avait vu ça. Excellente personne qui pose des questions. Voilà, on peut le citer. Ouais. Sur le site de Clear Lake, t'as tous les actifs, les entreprises où Clear Lake investit. T'as Chelsea, t'as pas Strasbourg. Strasbourg, c'est simplement un outil au service de l'actif principal. Bon, ouais, moi, si je devais faire la promotion d'actifs financiers, je ne mettrais pas le Racing. Non, mais ils ont même la moindre petite boîte où ils ont 10% de participation, c'est affiché. Le Racing, c'est pas affiché. D'ailleurs, en parlant d'actifs, on a Chris3FR qui nous pose une question. Le mec, il bossait à FR3, sûrement. C'est une question. C'est ça, exactement. C'est Manuel Gueuse, en fait. Salut Manuel Gueuse. Quel montant notre actionnaire principal va-t-il injecter dans le mercato hivernal par rapport à ça? Parce qu'on ne peut pas dire que ça marche très fort. Est-ce qu'on va recruter? Est-ce qu'on remet au pot? On n'a pas gagné là? 60 millions. Je remets. Bah, c'est une vraie question parce que c'est lié aussi à. Alors, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas une news qui est sortie récemment, mais qui avait été évoquée en fin d'été, début d'automne, sur la grosse divergence de vue entre Bully et Gbali. Pour que du cash soit injecté, il faut que Bully et Gbali soient d'accord pour en injecter chacun à proportion de leur part dans Blueco. Sont-ils toujours d'accord pour injecter du cash? C'est pas certain. C'est ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. Si ça se trouve, les mecs disent all-in, on continue, on va plus loin. La Chelsea fait une saison pas trop dégueulasse en première ligue, donc il y a peut-être enfin quelque chose à faire. Mais on sait que Bully est plus dans une logique patrimoniale, il aimerait acheter le club, le développer. Il a une vision à plus long terme. Plus moyen terme, on va dire. Oui, c'était l'article de The Athletic. Et Bally, on a l'impression qu'il a. Il s'est pris au jeu. Il a une vraie vision, comme on va dire des fonds d'investissement, où ces mecs-là, généralement, on leur confie du pognon pour que les mecs te fassent un rendement qui est supérieur globalement à la bourse sur une durée relativement courte, quoi. Oui. Sur 3-4 ans, il faut que. Il faut faire du 10% par an. Il faut que ce que tu ramènes à ton investisseur ne soit pas mieux que ce qu'il ait mis dans l'action à la bourse, quoi. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Alors que Bully a peut-être une vision plus moyenne termiste. En tout cas, c'est ce qu'il fait dans ses propres investissements personnels, parce que lui, il est dans le sport. Lui, il met ses thunes à lui perso, contrairement à Iqbali. Si Iqbali place l'argent de ses clients. Ouais, voilà. Alors que Bully met sa propre thune. C'est ça. Bon, alors qu'il a aussi gagné via des fonds d'investissement, etc. Beaucoup d'assurance vie, de ce que j'avais lu. Mais aussi, le fonds de l'assurance vie de je sais plus quel truc du Midwest là aussi. Ouais. Mais aussi, Bully était déjà dans le sport avant, donc il est le sport, le spectacle. Donc, il a différents. Il peut avoir sa vue un peu. Moyen terme, tout ça. Oui, il connaît rien au foot, bien sûr. C'est mais juste il peut avoir cette vision quand même un minimum moyen terme de se dire il faut construire. Il a gagné le championnat nord-américain de baseball. Hein. Oui, avec les Dodgers. Ouais. Avec non, il n'est pas actionnaire majoritaire des Dodgers. Hein. Il a quelques parts avec d'autres. Mais oui, enfin, Iqbali, moi, je pense qu'il se pose la question. Il se dit est-ce que je remets au pot. Enfin, soyons clairs, hein, pour lui, c'est. Écoute Radio Chou déjà, ça c'est sûr. Ouais, c'est absolument certain. Pour lui, c'est pas une question de liquidité. Le fric, il l'a, hein, il le met s'il veut le mettre, il n'y a aucun souci. Mais c'est en fait à quel moment je considère que ce truc-là est parti dans le mauvais sens. Et en fait, en vrai, je pense que la question, elle serait vite répondue. Pour paraphraser un grand philosophe, si Chelsea avait continué dans sa veine de résultats médiocres. Là, ce qui complique un peu l'équation, c'est qu'avec la déroute de Manchester City, avec Manchester United qui continue à se tirer des balles dans le pied, nos amis de Chelsea ont fini par récupérer une position à peu près enviable en Première Ligue. En Ligue des Champions. À peu près à leur standing. Oui, c'est ça, ils sont juste revenus à ce qu'ils devraient faire toutes les années normalement, surtout vu le fric. Avant le rachat, ils étaient champions d'Europe. Hein. Ouais, mais au vu des investissements qui sont mis dans l'équipe, ils reviennent à un statut à peu près normal. À peu près normal, non, mais je ne suis pas en train de dire que les types ont révolutionné le football. Mais du coup, ça recrédibilise un peu leur projet. Par contre, ce qui va pas du tout dans le sens notamment de Bully, c'est qu'ils sont nulle part sur leur histoire de stade. Que Stamford Bridge, c'est un des stades les moins rentables de la Première Ligue, parce qu'en prise urbaine, relativement réduit. Et que le nerf de la guerre du développement dans les sports type américain, c'est l'argent que tu gagnes au stade. C'est, et notamment en Europe, comment tu arrives à augmenter ton ratio de supporters touristes, type qui va venir une fois voir un match et qui du coup va tout claquer du pognon versus le supporter historique coup, qui lui... et sur, versus le supporter historique le qui lui modèle d'Angleterre hein. Qui lui il y a pas que lui, il y a le stade olympique de West Ham aussi il y en a quelques-uns mais qui appartient pas au West Ham hein. aussi. Oui, non, mais les Mets Stadium, effectivement, c'est le modèle de, du stade fait pour optimiser au maximum les recettes. Ouais, le Singapourien divorcé qui veut faire plaisir à son fils et qui va donc payer absolument tous les trucs possibles, versus le supporter historique qui, effectivement, radine sa saucisse parce qu'il sait qu'elle est moins chère de 2 livres en dehors du stade. Donc c'est une certaine vision du football et le stade est un outil pour augmenter ce public touriste versus les supporters historiques, et c'est là aussi où, ouais, la logique de conflictualité peut s'entendre, hein. C'est que au bout d'un moment, il faut pas se leurrer, hein. Il y aura une c'est sans doute pas encore le cas en ce moment, mais on en voit les prémices. Il y aura une logique pour chasser les supporters historiques et mobiliser les militants du stade si on a la possibilité de les remplacer par quelqu'un d'autre. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas ici. Juste comme sur le mercato, je vois que tu veux nous presser. Ah non, elle est posée. On l'a posée, ouais. Mais je vais citer les joueurs, mais bon, frère. Ouais, vas-y. Vas-y. Fais-toi plaisir. Non, mais faut pas oublier aussi que Chelsea a fait aussi des investissements sur des jeunes sud-américains qui n'ont pas encore l'âge de venir en Europe. Un truc de proxénète. Non, mais c'est le cas. Enfin, des jeunes sud-américains qui ont fait travailler au Bois de Boulogne, Chelsea a acheté des joueurs de 16-17 ans qui sont toujours dans leur club et qui vont venir. Et qui vivent dans une caravane à Boulogne. Bah, notamment l'équatorien Kendry Paez, qui va avoir 18 ans là au printemps. Et les médias sud-américains l'envoient déjà à Strasbourg, a priori. C'est un milieu offensif. Bah, il sera avec Nanasi au milieu de terrain. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'été prochain, on sait déjà qu'il y aura des prêts ou alors des montages transferts déguisés. Il y a Kendry Paez, il y a peut-être Anselmino qui est le défenseur argentin qui a été reprêté en Argentine là, mais qui ira en Europe forcément. Donc tu as quelques joueurs déjà qui sont fléchés. Et sinon, sur le mercato de janvier qui vient, il y a aussi une histoire qui est sortie là il y a quelques jours et encore même aujourd'hui. Le Racing qui veut casser le prêt de 2 ou 3 joueurs. Notamment Bazeia, c'est ça ? Steven Bazeia qui a prêté à Villefranche contre sa volonté, qui veulent le faire revenir. Et il y a Patrick Cuotro qui est prêté à Martigues aujourd'hui. Qui veulent aussi faire revenir à Strasbourg. Dans l'idée de reprêter d'autres joueurs. L'idée, c'est pas de les rapatrier parce qu'ils ont bien joué dans leur truc et qu'on veut absolument les renforcer l'équipe. Non, c'est pas le sujet. C'est de les rapatrier, les foutre sur, on va dire, une voie de garage. Oui. Et surtout pouvoir reprêter d'autres joueurs. C'est ça. Bah, typiquement, on peut penser à un Perea qui a été acheté 5 millions d'euros. Qui ne joue pas trop en équipe 1, ça serait peut-être plus rentable pour sa valorisation de le prêter. Martigues, il serait très bien. Avec Thierry Doré. Évidemment. Mais oui, des Perea ou des Lukovic, les deux ont coûté 10 millions. Ou Diong. Ou Diong, par exemple. Lukovic, il serait très bien à Caen, tu vois. C'est des clubs comme ça qui sont. Ah, c'est un destin à la Mustoway, ça. Oui. Mustoway, c'est l'inverse. Mustoway, c'est l'inverse. Tu vois, c'est le métaverse. T'inverse. Lukovic, il va faire Strasbourg, Caen, et après il signe à Benfica. Incompréhensible. mais il peut y avoir cette histoire-là. Effectivement, on casse le prêt de joueurs un peu estampillés Racing d'avant. Bah, Steven Bazeia, il est venu avant Bluco. Enfin, juste sur le fil avant Bluco. Ouais. Et du coup, le rapatrier se dire, on fera pas de grosses pieuvres dessus. Par contre, des Perea, des Lukovic qui sont un peu plus bankable. Ils jouent pas trop en équipe 1. Mais ils sont pas forcément bankable, c'est juste qu'on a des 5 costs sur eux. Oui, c'est ça, on a mis 5 millions immobilisés dessus. Ils ont coûté des sommes qui sont délirantes à ce niveau-là. Ouais. Quoi. Donc, du Racing, oui. Donc oui. Ils jouent pas en équipe 1 du Racing. Si tu veux les valoriser pour les revendre dans 6 mois ou dans un an et demi, bah, t'es obligé de les faire jouer. Donc, ouais, mais c'est là aussi où ce projet se mord un peu la queue. Les revendre, mais à qui en fait, quoi. Bah, Carcilla, tu le revends à qui? Et pour combien? Moi, je pense toujours au mec de. Du club de Bruges qui nous ont vendu Sobol et Silla. Ça, les mecs doivent quand même se bidonner. Surtout Silla. Enfin, se dire, putain, mais comme on les a enflés. On les a fistés, mais quelque chose de XXL, quoi. Parce qu'ils nous ont refilé quand même toute leur défense gauche qui vaut pas, qui vaut rien, quoi. Et surtout Silla, ils l'ont remplacé par un jeune défenseur équatorien qui marche super bien. Alors, j'ai plus son nom en tête, mais qui a un autre niveau. Abacaros Silios. Tu sais où tu peux filer tes bonnes infos, hein. Ah non, au mec de Chelsea, bien sûr, évidemment. Oh, ils le suivent déjà, je pense. Question de Yannick Heb, d'ailleurs. Loïc Désiré a-t-il été envoyé à Chelsea et un sosie l'a-t-il remplacé au Racing? Je ne sais pas du tout. Mais... Alors, ça, c'est une excellente question. Parce j'ai entendu qu'il était encore vivant, là, il n'y a pas si longtemps. Mais... Ah oui, d'accord. Là, il y a une histoire aussi. On dirait pas. Non, mais en fait, la question qui est derrière la question de Yannick Heb, parce que c'est une question avec un sous-entendu. c'est que on sait qu'en fait, alors Loïc Désiré, que fait Loïc Désiré actuellement? Est-ce qu'il s'éclate dans son job ou pas? On n'en sait rien. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'auparavant, le circuit de décision, c'était Loïc Désiré, l'entraîneur, et Marc Keller, que ce soit Julien Stéphan ou Thierry Loret. Éventuellement Kader Morgan pour savoir. Ouais, voilà, Kader Morgan pour assurer 2-3 histoires de gonzesses, vérifier suivant ses réseaux s'il n'y avait pas de sujet type vénérien. Et Marc Keller, effectivement, pour décider on fait le gars ou pas. Ouais. Ça, il faut oublier, ce truc a été complètement débrayé. Je pense qu'on n'en a pas assez parlé parce que ça sort assez peu, même si l'équipe on a, l'a effectivement mentionné. La chaîne de décision maintenant pour décider si on prend ou pas un joueur, c'est notre ami Stewart, Sam Jewell, Sam Jewell qui reporte à Winstanley et Stewart, et derrière ça remonte derrière chez le big boss Monsieur Ekbali, qui a pas de temps pour rencontrer les supporters, mais qui est très occupé pour savoir s'il faut prêter notre gardien, notre troisième gardien au Red Star ou non. Et en fait, Marc Keller et a fortiori Loïc Désiré, et on parle même pas des autres, n'ont strictement aucun mot à dire là-dessus. Hein. Ça, et ça, c'est pas juste une schnapps idée balancée par Radio Stoub au bout d'une heure vingt, c'est quelque chose qui est dit par tous les acteurs du dossier. Et même, il y a des membres de la cellule de recrutement qui étaient là auparavant, avant pré-Blouco, qui sont plus là, qui sont partis. Parce que voilà, il n'y a plus rien à faire à Strasbourg. Bah, et tout est fait, en Angleterre. On va un petit peu, effectivement, tu disais 1h20, c'est 1h30, je me perds moi, tu connais. Ouais, je suis Marseille. On va finir sur une question de Super Dohu. Oh non. Notre meilleur auditeur. Voilà, et qui. Alors, et Ross, il n'y a pas de question de alors, France. Ross était. Alors, vous savez, mais Ross, il est en Pologne. Ross était en Pologne, il est revenu. Il a pris le train, il est vers la Pologne. Ce qui est dingue, c'est que Macron était en Pologne, il cherchait un Premier ministre et il n'a pas nommé Ross, quoi. Alors que franchement. Ross ne reviendra pas, il était en train en Pologne. Aucune mention de censure. En plus, c'était Ross, il a posé une question mutuelle par audio. Par Telegram. Et je n'écoute pas les audios, donc on ne saura jamais ce qui. Ouais! Pose la question. S'il y avait eu JP Darky, tu vois, j'aurais pu la passer en même temps, mais je ne sais pas comment faire. Non, c'est pas grave. Donc on ne le fera pas. On pourra l'écouter peut-être après. Bon, salut Ross. On salue Ross, évidemment, mais ouais, super doux, qui nous dit, et j'aime bien sa question, y a-t-il encore le moindre intérêt à supporter cette équipe qu'on a tant aimé? J'ai pas envie de me poser la question. Mais c'est bon. C'est déprimant comme question. C'est un peu déprimant. C'est très déprimant. Alors, comme on n'est pas obligé d'y répondre. On l'a posé la question. Je pense qu'on peut la laisser en suspens. On se retrouve en 2025. On peut se retrouver déjà. On peut le dire. On enregistre avant le match au Havre. Oui. Et il y a des motifs d'espoir. Ah oui. J'ai vu là à l'instant que Sekou Mara et Abakar Sylla seront dans le groupe. Mais oui. Si avec ça. Si vous écoutez cet enregistrement après le match du Havre, vous aurez entendu ici la première fois que on aura un doublé. Un doublé de CSC avec Sekou Mara et Abakar Sylla. Sekou Mara, tu penses qu'il arrive à mettre un CSC? Bah oui, sur corner. Sur corner, il veut défendre et il la met dans la lucarne opposée, évidemment. Ah. Putain, je le vois. Bon, en tout cas, sur ce, allez Racing. Allez Racing. Allez Bleu. Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.